Les enfants, c'est voilà. Les enfants, vous allez suivre David qui est là. Voilà. Voilà, il est là. Vous pouvez le suivre à côté. On s'est organisé pour s'occuper, pour qu'on s'occupe bien de vous. Et les parents, pensez aussi à amener à boire, à manger pour vos enfants. C'est important. Amen. C'est cela, être chrétien. C'est prendre soin de son enfant. Vous inquiétez pas, on s'occupe bien d'eux. Merci Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit au milieu de nous. Dieu est grand. Merci également à nos sœurs qui nous aident beaucoup. Et PV7, merci pour l'amour que vous avez pour le Seigneur. Ça nous encourage. Continuez comme ça. Que Dieu vous garde en tout cas. Et également Loïc. Merci et Clins, tout ça. Et toute l'équipe technique de TV et radio de vie. Voilà, on va prendre soin de vous. Il y a un enfant qui a eu une vision par rapport à l'enlèvement. Une petite fille qui va, une enfant qui va nous dire, viens, c'est que ce qu'elle a reçu du Seigneur, je sais que Dieu commence à beaucoup lui parler. Viens. Quand je passais tout à l'heure, elle m'a dit, j'ai une vision sur l'enlèvement. Et je crois que c'est l'émotion hein, par rapport à ce qu'elle a dû recevoir. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, Dieu est bon à tout temps. Ça va? Cette vision t'a fait peur? Ah bon? Waouh! Tu l'as eu quand? Aujourd'hui. Pendant que tu dormais? Oui. Quel âge as-tu? 10 ans. Ok. Tu veux la partager tout de suite ou tu veux attendre un peu, le temps que tu te calmes un peu? Qu'est-ce que tu veux? En fait, j'étais sur les rails avec des autres chrétiens et on allait à la gare parce que là, à ce temps, il n'y avait plus de train. Les gens, ils marchaient à pied. Et après, oula, ça me fait peur parce qu'on a des chrétiens qui sont ici, ils sont partis en enfer. Les chrétiens d'ici, hein? Ok. Il y en a beaucoup. On ne peut pas dire amen quand les gens vont en enfer. David, vous allez la prendre tant qu'elle récupère un peu. Et comme ça, elle va pouvoir donner. Elle souffre parce que beaucoup sont restés. Et ils sont partis en enfer. Et voilà. Suis un peu Ludovic. Ouais. Elle a vu, donc elle reconnaît, elle a reconnu des gens qui sont ici, là même. Et qui sont restés à l'enlèvement. Et je ne vous cache pas que beaucoup vont rester. Et plus nombreux qu'on le pense. Et vous savez, les 3 dernières semaines étaient très très dures pour moi parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, effectivement, vont rester à l'enlèvement. que beaucoup ne veulent pas de Dieu. Et je ne vous cache pas, je me disais, Seigneur, je veux rester chez moi, je ne veux plus sortir, et simplement crier à la télé, et même pas, carrément me cacher, parce que beaucoup ne veulent pas de la vérité. Énormément. Quand j'ai vu combien les morts chez les chrétiens sont adorés, j'ai vu des vidéos, j'ai pleuré. Des chantres, soi-disant chrétiens, qui se sont mis tous ensemble dans un stade pour chanter pour la gloire de quelqu'un qui est décédé. Des impudiques, des voleurs, des pasteurs voleurs, impudiques, tous ensemble. Ensemble. Je dis, Seigneur, je veux... Quand je vois ce qui se passe ici et là, même ceux qui se disent avoir reçu ce message du retour à la parole, je me dis, à quoi bon? Quand je vois l'amour de l'argent, je vois ce qui se passe. Je dis, Seigneur, mais c'est... Waouh! Quand les prophètes étaient lapidés, personne n'en parlait. Les gens meurent et c'est une occasion pour les chrétiens d'aujourd'hui de se mobiliser pour aller se glorifier, pour aller... Quand les gens sont malades, personne n'est là pour les soutenir. Quand ils meurent, il y a plein d'amis qui débarquent de partout et qui vont fêter. Quand je vois ce qui se passe dans les églises, notamment en France, où des journalistes français soi-disant chrétiens qui autorisent la masturbation, qui valident la masturbation, qui... Je me dis, c'est fini là. Cette génération a provoqué la colère de Dieu. C'est une génération perverse et corrompue. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, sors de là. Donne l'autonomie à tout le monde. Il y en a qui ne veulent pas de l'autonomie. Dieu dit, donne-leur l'autonomie. Chacun doit se débrouiller avec Dieu. Voilà notre génération là. Que ceux qui se disent chrétiens, maintenant développent une vie chrétienne chez eux, à la maison, avec leurs enfants. Le père, la femme, la mère, les enfants, chacun à la maison. Ma soeur, pour les chewing-gums, tu peux le mettre de côté, s'il te plaît. Merci. C'est cette génération-là. Dieu veut que chaque famille ait un culte familial. C'est fini. Les vrais chrétiens, ils ne seront plus dans ces bâtiments-là. Beaucoup. Parce qu'il y a tellement Babylone, il y a tellement le péché, il y a tellement les sorciers qui ont pris place dans ces églises. C'est fini. Les vrais chrétiens, là, ils vont être chez eux à la maison pour prier père, mère et enfant. Comme Jésus a dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Vous vous dites chrétien, vos enfants sont impolis. Et vous voulez commencer quelle église? Vous voulez gérer quelle église là? Vous voulez gérer quelle œuvre chrétien? Voilà nos églises. On ne veut plus des prophètes. On veut des pasteurs qui nous caressent dans le sens du poil. On veut des gens qui nous glorifient. Et quand on voit ce qu'on appelle la musique chrétienne, frère, moi, je ne suis pas étonné que cette jeune fille, cet enfant, 10 ans, ait vu cette vision-là de la part du Seigneur ce matin. Parce que Dieu ne cesse de me dire en ce moment, parle de l'enlèvement de l'église de mon retour. Je ne vous cache pas qu'il y a eu un ras-le-bol. Ces trois dernières semaines, tu te dis, mais les gens ont reçu quel message? Ils veulent quoi? Pas seulement ici, partout. Ils veulent quoi? Tu regardes ce qui se passe ici, et là tu te dis, mais Seigneur, où sont les chrétiens? À croire qu'ils sont tous enlevés. Où sont les vrais chrétiens? Chacun veut un gourou. Vous êtes là, vous avez des gourous au pays à qui vous envoyez l'argent pour qu'ils consultent Dieu pour vous. Vous êtes ici, vous voulez, c'est le Dieu argent, le Dieu, mais c'est grave ce qui se passe dans nos églises, frères. Je vous dis, beaucoup vont rester. Beaucoup vont rester par rapport à l'enlèvement. Beaucoup. Et Dieu pleure. Dieu pleure. Vous venez devant le Seigneur pour prier. La veille, vous vous faites ploter par les hommes. Vous êtes avec les hommes, vous êtes avec les maris, les femmes d'autrui. Et vous ne voulez pas de ce message-là. Quand on vous dit, prenez l'autonomie, vous ne voulez pas l'autonomie. Comme des oiseaux qui sont en cage depuis des années, en prison, quand on vient pour les délivrer, on leur dit, la cage est ouverte, sortez. Ils ne veulent pas sortir. Or, on ne veut pas sortir. Voilà nos églises. Beaucoup voient en enfer. Je vous dis, beaucoup voient en enfer. Beaucoup. Cette enfant-là va témoigner de tout ce qu'elle a vu. Elle est dans l'émotion parce qu'elle est choquée. Elle est choquée. 10 ans. Dieu passe maintenant par les enfants pour nous reprendre, pour nous parler. Vous savez pourquoi? Quand Dieu commence à parler par les enfants, ça veut dire que les gens ont négligé la parole. Les gens ont tué les prophètes. Vous savez pourquoi Dieu m'a dit de rester seul dans mon coin pour crier? C'est aussi pour vous protéger. C'est pour ne pas que vous soyez cassés. Parce que le message, ça monte tellement dans mon cœur. Là, si je prêche, quand, tout ce que je vais donner, là, ça peut vous casser. Voilà pourquoi chacun doit être à sa place pour servir Dieu. Moi, il me dit, sois seul, crie. Parce que il y a un périmètre autour de moi. Là. Il y a une guerre spirituelle terrible. Et si tu n'es pas dépouillé, là, tu rentres là-dedans, là, l'ennemi ne va pas te rater. Voilà pourquoi Dieu me dit, retire-toi, crie. Parce que ce qui se passe dans les nations, dans les églises, là, Dieu va frapper de plus en plus. J'étais à Kinshasa, je dis aux frères et sœurs, Dieu va frapper ici. En France, je le dis également avec des musiciens français, là, chrétiens, Dieu va frapper de plus en plus, même des pasteurs. Il y en a, ils vont faire des AVC, ils vont mourir dans des accidents, Dieu va frapper. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a provoqué sa colère. L'impudicité, l'adultère, les magouilles dans les églises, le commerce dans les églises. Cette génération-là, elle a provoqué la colère de Dieu. Ah oui. Je vous dis, les pasteurs qui ne vous disent pas la vérité, il faut aller les voir pour leur dire, repentez-vous. Parce que beaucoup vont en enfer et disent, si nos pasteurs nous avaient dit ces choses-là, là, on ne serait pas venus ici. Beaucoup pleurent, c'est trop tard. Beaucoup disent, Seigneur, renvoie-nous sur terre, nous allons dire à nos familles de se repentir pour ne pas venir ici parce qu'ils sont encore dans ces églises-là. Laisse-nous repartir pour dire à ces pasteurs de prêcher la croix. C'est fini, c'est trop tard, fini. Quelqu'un meurt, on l'empoisonne, au lieu que les autres qui sont là pleurent, demandent pardon au Seigneur, ils sont en train de s'amuser, d'adorer, et tout le monde trouve son compte, tout le monde veut qu'on le voie. Voilà nos églises. Et je lisais un commentaire ce matin de Freddy de Coster. Voilà un homme d'affaires dans le milieu évangélique, ici, en français, qui se dit pasteur, et qui dit que s'il a fait faillite, c'est parce qu'il avait organisé une réunion à Bercy et il a invité Bono de YouTube, hein, d'un groupe païen, et il espérait que Bono allait faire remplir sa salle pour avoir de l'argent. Voilà des pasteurs qui croient que quand une salle est remplie du monde, il va y avoir de l'argent. Si tu penses, tu vois les choses comme ça, tu es devenu cupide. Parce que ce n'est plus Dieu qui te finance, c'est la foule maintenant. Tu commences à compter sur la foule. Moi, je ne mange pas cette sauce-là. Non. Comment Freddy de Coster peut parler comme ça? Un musicien d'un groupe païen de rock qui se dit chrétien et qui continue à faire du rock dans son groupe et on l'invite. Et comme les chrétiens sont dans le mélange, et il espère que ce monsieur, sa présence, même pas la présence du Saint-Esprit, mais la présence d'un païen, va remplir sa salle pour avoir plus d'argent. Ils sont étonnés que la salle n'était pas remplie, ils n'ont eu seulement 1800 euros. Voilà ce qu'on vous prêche dans vos églises. Voilà ce que vos prédicateurs vous prêchent. Et ils oublient de vous dire que l'enfer est sous vos pieds. Ils oublient de vous dire que les démons sont sous vos pieds. Ils attendent que vous tombiez là-dedans. Pour l'éternité. C'est pour ça que je dis, même chez nous, en fait, il n'y a plus chez nous, parce que moi, je n'ai plus d'église. Je n'ai plus d'église, je n'ai plus d'équipe autour de moi. C'est fini, ça. Il n'y a pas d'équipe. Si quelqu'un vous dit qu'il y a une équipe, c'est fini. Je n'ai plus d'équipe. Mon équipe, c'est le Saint-Esprit. Chacun, la seule équipe que vous devez avoir, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans les temps qui arrivent, là, nous sommes déjà dedans. C'est le temps où il va y avoir des prophètes solitaires. Des gens baptistes qui sont dans les déserts qui crient. Que la salle soit remplie pour que l'argent soit là. L'esprit de Dieu a été remplacé par Bono, a été remplacé par les... Voilà comment nous fonctionnons aujourd'hui dans nos églises. Aussi bien chez les Africains, les Antillais, que les Français de souche, les Européens. C'est la même mentalité pratiquement partout. Il faut que les bâtiments soient remplis pour avoir plus d'argent. Voilà pourquoi on a importé aux États-Unis, n'est-ce pas, la mentalité des églises, des méga-churches. Remplir les bâtiments pour se faire de l'argent. Faire des réunions pour qu'il y ait du monde afin de se faire de l'argent. Et Dieu m'a dit, tu ne réponds plus à aucune invitation dans les églises là, c'est fini. Un prophète est venu me voir, que Dieu forme. Il me dit, Dieu m'a dit de te dire de ne plus aller prêcher dans cette église. Fini les programmes, il ne t'a pas donné cette grâce là pour remplir leur bâtiment, c'est fini. Je dis, non, Dieu m'a déjà parlé, je me repens, c'est fini. Je ne veux plus, frère, je ne veux pas aller en enfer. Ce que je prêche là, c'est que Dieu me dit de prêcher. Je ne veux pas aller en enfer, je veux aller au ciel. Si vous ne voulez pas aller au ciel, moi et ma maison, nous voulons aller au ciel. C'est pour cela que je dis au Seigneur, si hier on a rempli les bâtiments avec l'onction que Dieu nous a donnée pour que les pasteurs dépouillent les enfants de Dieu, aujourd'hui, là, frère, si vous me demandez où, dans quelle église allons-nous, devons-nous aller prier, je ne vous recommande aucune église. Je dis bien, je ne vous recommande aucune église, aucun pasteur, aucun prédicateur. Je vous recommande comme Dieu m'a dit dans la Bible. Paul a dit aux chrétiens dans Acte 20, je vous recommande à Dieu. Et c'est ce que je fais. Que le monde entier entende bien. Je vous recommande à un seul nom qui peut vous sauver. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vous dis pas de me suivre. Moi, je vous dis vérifiez dans la Bible tout ce qui vous est enseigné. Et suivez le seul Dieu capable de vous sauver, c'est Jésus-Christ. Voilà. C'est tout. Nous sommes arrivés à la fin. Vous ne voyez pas que c'est la fin. Regardez bien même les gens du monde. Là, ils ne savent plus. Même les politiques, là, ils sont embrouillés. Ils ne savent plus dans quelle direction aller. Ouvrez les yeux, vous qui êtes destinés au ciel. Ouvrez les yeux. On est à la fin. Nous sommes arrivés à la dernière limite là. Maintenant, c'est frère. Il y en a. C'est grave hein, ce que je vous dis là. C'est grave. Ne m'appelez pas comme beaucoup appellent. Non, recommandez-nous une église. Nous ne recommandons. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas d'autres prédicateurs qui sont honnêtes. Il y en a plein. Mais que Dieu vous montre où ils sont. Que Dieu vous le recommande. Moi, je vous dis également, ne me recommandez pas auprès des frères et sœurs. Je ne suis pas celui qui apporte le salut. Je suis celui qui crie. Et recommandez Dieu à tout le monde. À tout le monde, à Dieu. Dieu seul mérite la gloire, frères et sœurs. C'est ça le message que Dieu m'a donné. Et ça va être de plus en plus. J'ai eu une vision quand j'allais à Londres il y a quelques jours. La pente était raide comme ça. Là. Elle était plus raide que celle que j'avais escaladée sur la montagne, là, tout ça. Là. Elle est plus raide. Ça veut dire que Dieu dit, très peu vont arriver jusqu'au sommet. Aussi bien chez nous, en dehors de ces assemblées-là, ceux qui sont en Afrique, partout, nous sommes arrivés à la fin et la pente est trop raide pour tous les vrais enfants de Dieu dans le monde entier. Et beaucoup vont tomber, beaucoup vont être exposés, beaucoup vont être disqualifiés. Dieu le fait, c'est pas parce qu'il est en train de nettoyer son église pour l'enlèvement. C'est pourquoi c'est fini cette époque où je recommandais les églises. Et je dis bien aux prédicateurs qui sont là, qui ont été formés dans le ministère, c'est fini cette époque-là. Comprenez dans quel temps nous sommes, dans quelle saison. Je vous ai pendant des années parlé des saisons. Dieu est le Dieu des saisons. Si hier, on pouvait recommander vos églises, aujourd'hui, Dieu me dit c'est fini. Chacun doit faire ses preuves avec Dieu, avec les frères et sœurs, pour montrer aux brebis du Seigneur la vraie voie, la vraie porte. C'est fini. Fini. On n'a pas été missionné pour remplir les bâtiments d'église, ni les maisons d'église. On a été missionné pour remplir le ciel, pour amener les gens du royaume des ténèbres au royaume de lumière. C'est ce que Dieu dit à Paul. Et c'est ça le message qui doit être prêché, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Alléluia. Donc je ne suis pas là pour dire non. Là, comme il y a beaucoup de monde, c'est dehors, il va y avoir beaucoup d'offrandes. Non, non, on s'est réunis. Dieu, c'est lui qui pourvoit. Ce n'est pas les frères et sœurs. Dieu peut envoyer une seule personne avec un million de francs pour soutenir un ministère. Dieu n'a jamais eu besoin de la foule. Jamais. Donc ça veut dire que les chrétiens sont devenus des brebis, des vaches à lait. On fait des réunions, des grandes réunions. On attend que la salle se remplisse pour pouvoir. Voilà comment Dieu confond. Voilà. Dieu a confondu. 1800 euros. Payez la salle avec ça. Et on a des dettes. S'il y a des dettes comme ça, là, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Dieu qui te demande de faire une œuvre et il permet à ce qu'il va te laisser dans l'endettement. Non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. C'est quoi cet évangile? Alléluia. Vous voulez aller au ciel? Moi je veux aller au ciel. Si vous ne voulez pas, moi je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. On dit frère, c'est quoi ta vision? Moi je ne suis pas je ne suis plus le visionnaire de qui que ce soit. Je dis bien frère, la vision là, c'est le ciel. Dis à ton voisin, c'est le ciel. Voilà. Le ciel. Oh Seigneur, on se sert des musiciens païens. Il y a un autre musicien de Kofi Olomide, un musicien congolais, un de ses ex-musiciens qui s'est converti. Et il raconte comment des pasteurs se battent pour qu'ils aillent dans leurs assemblées, afin qu'il y ait du monde. Oh Seigneur, quelle génération! Quelle génération cette génération-là! Frère, en 86, quand je me suis converti, il n'y avait pas tout ça là. Les choses sont accélérées. Le péché, le commerce dans les églises, la cupidité, le mensonge, toutes ces choses sont accélérées à une vitesse vertigineuse. Et des pasteurs sont prêts à tout pour que leur bâtiment soit rempli afin d'avoir de l'argent, d'avoir de quoi se nourrir. Oh, que Dieu nous aide. Vous savez ce dont la France a besoin aujourd'hui? Il faut des messagers comme John, comme Calvin là. Il faut des Calvins qui viennent, qui renversent tout. Des Pierre Valdo. Sinon là, vous savez ce que la Côte d'Ivoire a besoin? Parce que la télé suit dans le monde entier, il faut des Kakou Souverains qui viennent et qui crient, qui parlent. Vous savez ce que la RDC a besoin? Ce ne sont pas tous ces pasteurs-là qui sont là, qui sont là, qui sont glorifiés. Ce n'est pas tout ça là. Tout ça là, c'est des boutiques. Il faut des Simo Kimbang. Voilà. C'est dont l'Afrique de l'Ouest a besoin des ministères comme John Harris qui viennent et qui crient. Les Antilles, Amérique, tout ça, et il faut des Paul Washer. Même sur le trait de terroristes spirituels, il faut de tels ministères. Et qui viennent et qui vous disent que l'enfer est sous vos pieds là. Si vous ne vous criez pas à Dieu là, c'est fini. Vous êtes avalé. C'est fini. Vous dormez là, vous mourrez comme ça, c'est fini, c'est l'enfer. Fini. Le temps de crier, pasteur, sauve-moi, c'est fini. Fini. Et allez suivre ces prophètes. Ils sont solitaires. Élie, solitaire. Jean-Baptiste, solitaire. Élisée, solitaire. Jérémie, solitaire. Néhémie, tout ça là. C'était des solitaires. Ça criait, ça criait, ça criait, ça criait, ça criait, ça criait. Ça criait. On se complaît dans le péché. Dans la masturbation, dans l'assemblée, la cigarette, à l'assemblée, on est là, on acclame Dieu dans le péché. Frère, non, le ciel est une réalité hein, que beaucoup minimisent aujourd'hui dans nos églises. Parce qu'on nous a tellement parlé de la terre. Ceux qui ont empoisonné ce monsieur qui chantait là, cet homme, ce sont les chrétiens. Voilà ce qui se passe. La génération de Caïn. Une génération qui valide les avortements. Une génération qui valide n'importe quel péché. Voilà notre génération. Et ces églises, quand on prêche la vérité, on commence à dire non, mais il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, il faut quand même un peu de la, Dieu, le Dieu de grâce. Oui, bien sûr, le Dieu de grâce. La grâce de Dieu, source du salut, nous enseigne à renoncer au péché. La grâce. Vous voulez que vos bâtiments soient remplis? Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis plus là. Hier, oui, je pouvais penser qu'il fallait que notre bâtiment soit rempli. Aujourd'hui, Dieu me dit, c'est fini. Quand tu prêches ma parole, Dieu me dit, ne regardez pas si quelqu'un peut donner l'argent ou pas. Ça, c'est la cupidité. Toi, prêche. Prêche, crie. Qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, toi, parle. Une génération corrompue. Je dis, Seigneur, c'est dur. C'est révoltant. Nos enfants, là, on va leur laisser comme héritage. Si le Seigneur nous enlève avant, vos enfants, là, qui sont là. Chrétiens. J'ai pleuré cette semaine. Je criais quand je voyais ce qui se passait dans la Crète, ce qui se passe dans la chrétienté. Je me dis, mais où sont les prophètes, Seigneur? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Séminaire pour les couples, 3 jours de séminaire. On loue un château en France ici, un couple qui a créé une entreprise qui marche bien. Vous savez combien c'est le prix pour la formation de couple? 395 euros. Voilà notre génération. Business sur business. Tout doit tourner autour de l'argent. Allez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus nous a prescrit? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et nous, on commence à dire, quand on prie pour les gens, je prie pour toi, tu ne me donnes rien. Voilà comment on commence à vendre l'onction. À vendre la grâce. €395 pour former les couples. Un couple, €395. Et on dit, dépêchez-vous parce que les places sont limitées. Bien évidemment. On met la pression sur les gens. Et on vous dit, l'hébergement, la nourriture, c'est pris en compte. C'est pas de problème. Quel hébergement? Imaginez, s'il y a 10 couples, vous avez combien? 100 couples, combien? Déjà, ce couple dirige une assemblée à Paris, il y a quand même du monde. Imaginez la plupart des couples de cette église déjà. Il doit y avoir une cinquantaine. Calculez combien ils vont amasser. Ils étaient aux Antilles, ils sont sortis des Antilles de la Martinique. Je suis allé à la Martinique. Un frère est venu me voir, un homme avec sa femme, ses enfants, pour pleurer, pour dire ce monsieur, ce couple, je les ai servis. Et on a fait, on est endetté. Je dois plus de 40 000 euros au gouvernement français à cause d'eux, au fisc. Voilà ce que cette génération veut. Ce que les chrétiens d'aujourd'hui veulent, qu'on leur vende l'évangile, qu'on leur vende le ciel. Vous savez ce que c'est? Les indulgences catholiques qu'on a établies dans les églises évangéliques aujourd'hui. Je prie pour toi, tu dois penser à moi, donner une enveloppe. Voilà. Commerce. Je te forme, paye-moi. Et vous avez toutes ces annonces sur Top Chrétien, enseignement.com. Bien évidemment, ils valident tous ces commerçants. Bien évidemment. J'ai prié pour un frère à Bruxelles. Pendant que je priais pour lui, il me tend sa main. Il me glisse un billet de 10 euros. Je dis, mais pourquoi? Je priais pour toi gratuitement. Tu n'as pas à me donner de l'argent. Parce que si je commence à te demander de l'argent, je veux vendre mon onction. Demain, je veux la perdre. Et surtout, je veux rater le ciel. Il dit, mais c'est comme ça qu'on m'a enseigné. Je vous ai dit, la dernière fois, j'étais à Brazzaville. Un frère est venu me voir. Son prophète prend de telles de bouteilles comme ça. On la vend, cette bouteille. Une bouteille comme ça, 50 francs. C'est fa. 50 francs, c'est rien. Lui, il les achète. Il prie dessus. Il est maudit. Et il vend la bouteille à... À combien de chez 50 000 francs CFA. 80 euros. Oh Dieu. Oh Dieu. Vous allez bien? Il y en a qui ne sont pas habitués à ces choses. C'est vrai que dans nos églises, eh ben, ce n'est pas ce discours-là forcément qu'on entend. Donnez, vous serez bénis. Dieu vous bénira. Il y a la foule, il faut parler de l'argent pour que l'argent entre. Il faut que les gens sèment. Dieu les bénit quand même, n'est-ce pas que Dieu les bénit? Il faut qu'ils donnent. Il faut qu'ils donnent. Ce discours-là, je ne l'aurai jamais, frère. Jamais. Jamais. Donner ou pas, ce n'est pas mon problème. C'est que Dieu veut pour vous, là, que vous donniez vos cœurs. Voilà. Il nous faut des prophètes qui viennent et qui disent que ton argent périsse avec toi. Tu ne veux pas payer la salle pour le programme? On ferme la salle. C'est tout. Parce que si on ne peut pas payer une salle, donc ça veut dire que Dieu n'est plus dans l'affaire. Le temps de la salle est fini, on la ferme. À la maison ou dans la nature. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pourquoi se mettre la corde autour du cou et commencer à mettre en place une équipe de partenaires financiers qui vont commencer à contrôler votre message, à contrôler votre ministère? Qui peut soutenir l'œuvre de Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Premièrement. Combien de pasteurs n'ont-ils pas perdu leur message? Parce qu'ils sont laissés embourbés dans des visions que Dieu ne leur a pas données. Ils se sont mis la corde autour du cou, voulant louer des salles qui coûtent extrêmement cher. Et il fallait une équipe de partenaires. Vous avez vu une équipe de partenaires dans quel verset? Et du coup, eh bien, cette équipe de partenaires commence à influencer le message. Pasteur, là tu es trop méchant. Change! Parce que moi, je suis polygame. Si tu continues à dénoncer la polygamie, je ne finance plus. Eh bien, si ce monsieur donne 1000 euros par mois, le pasteur se dit, ben, c'est 1000 euros à moi, je préfère m'attacher à ce monsieur qu'à Dieu. Pourquoi? Parce que le pasteur veut plus protéger son ministère que protéger sa vie spirituelle. Si vous avez peur de perdre vos amis chrétiens en prêchant la vérité, vous, si vous mourrez comme ça, vous allez en enfer. Ouais. C'est ce qu'il faut privilégier, c'est pas la communion fraternelle, c'est la relation avec Dieu. Voilà. C'est pourquoi vous verrez, par rapport à ce programme de réveil, il n'y a pas de thérapeute. On ne peut pas recevoir une personne deux ou trois fois. Non, non, non, non, non. On te reçoit une fois parce qu'on ne t'a jamais reçu. On te recommande à Jésus. Va voir Jésus-Christ. Et comme il est Dieu, il s'occupe de son peuple mieux que nous. Eh bien, comme ça, il n'y a pas d'idolâtrie. Il n'y a pas de dépendance de vous vis-à-vis des ministères qui prêchent. Comme ça, personne ne va croire qu'il est au-dessus de personne, de quelqu'un. Seul Jésus au-dessus. C'est ça le message. Et si vous voulez vivre le péché, alors restez chez vous. Dis à ton voisin, la guérison commence par ça, par la vérité. Vous connaîtrez la vérité? Est-ce qu'on a dit que vous connaîtrez un ministère? Oh, ministère de réveil à Évry Bras de Fer. Allez là-bas, vous serez délivrés. Vous pouvez venir avec vos problèmes et repartir avec. Bah oui. Mais par contre, on ne peut pas être devant Jésus et repartir tel qu'on est venu. Soit on repart vivant, délivré, soit on repart mort. Voilà. Il n'y a pas. C'est devant Jésus, il y a la vie et la mort. Voilà. On va courir à montagne de feu. Combien de gens ne viennent-ils pas pour dire, non, on sort du centre d'accueil, tout ça là. Là-bas, on vous fait boire de l'huile, on vous fait... C'est ça là, c'est le Brésil qui a envahi la France avec un message corrompu. Voilà. Alléluia. Ben oui, frère, centre d'accueil. On a remplacé le ciel par un autre centre d'accueil. Et on reçoit quoi? Eh bien, on vous dit, mais oh que Dieu nous aide. Oh que Dieu aide cette génération-là. Oh que Dieu, vous qui avez des prophétesses là qui vous contrôlent là. Sortez de là! Maman prophétesse qui voit Dieu, le Père, pour vous. Ça, c'est la sorcellerie. Jusqu'à quand allez-vous être dépendant de ces sorcières? Et quand vos maris vous parlent, vous écoutez plus vos prophétesses ou vos pasteurs que vos maris. Alors que la Bible dit que la femme doit se soumettre à son mari. Les pasteurs ont pris la place de mari dans vos maisons. Et vous vous dites des prophétesses, vous ne voulez pas vous soumettre à vos maris. C'est vous à la maison qui avez le dernier mot, vous les femmes. Et vous êtes des prophétesses ici quand vous venez, vous voulez prophétiser. Ça là, c'est fini la comédie, frères et sœurs. Ça, vous devez revenir à la parole, la vérité, frère. Alléluia. Je donne ce qui descend, je donne. Voilà. Ça plaise ou pas, c'est pas mon problème. J'attends pas ton or, c'est pas mon problème. Non. Oh, que Dieu nous aide. Dieu juge cette génération-là. Et ceux qui sont dehors, les anciens, veillez à ce qu'il y ait l'ordre. La parole doit être écoutée par tous. Ne soyez pas dans la distraction, s'il vous plaît. Parce que jusqu'à présent, là, l'esprit ne permet, il ne veut pas encore que je lise encore là. Il faut que tout ce qu'il me donne, là, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Vous avez des thérapeutes chez vous dans vos églises de maison, des thérapeutes, maman prophétesse qui est là, qui est connectée au ciel. Toi, tu n'es jamais connecté. Plein de songes, matin, midi, soir, que de songes, jamais de la parole. Ou songes et psaumes. Voilà. J'ai jamais vu un peuple qui aime autant les thérapeutes que les chrétiens d'aujourd'hui. J'ai jamais vu un peuple qui court après les gourous, les voyants, les sorciers que les chrétiens d'aujourd'hui. On a créé des papas, des mamans, on a créé, nous-mêmes avant hier on croyait aux pères spirituels. Nous ne sommes pas des pères spirituels. Des pères de la foi, oui, mais un seul est père spirituel. Oh, ma fille, mon fils, tout ça là, frère, vous ne verrez plus moi parler comme ça là. C'est fini ça. Je ne veux pas avoir vos sangs dans mes mains. Un seul père que je vous montre, pas moi. N'allez pas dire, Chora, c'est mon père spirituel. Non, non, frère. Jésus, Dieu, est votre père. C'est lui qui vous a engendré. Dis à ton voisin, c'est pas ce monsieur. Oui, même si c'est par l'évangile, l'évangile que je prêche, tu t'es converti, mais je te montre le seul père. Non, je ne veux pas le jour du jugement être à côté du père véritable. Et qu'on me pose la question, pourquoi as-tu pris la place du Père Céleste? Voilà comment à Rome on a mis un Saint-Père. Voilà comment dans vos églises évangéliques, vous avez aussi des petits Saint-Pères. Alléluia. Oh, que Dieu aide cette génération. Un frère m'appelle et me dit, il y a un monsieur qui m'a appelé, il me dit, va prendre le numéro de tel pasteur, appelle-le. Mais pourtant, ce pasteur l'a dépouillé financièrement. Mais il ne passe pas à d'autres personnes pour que ce frère qui a une petite entreprise aille prier quand même dans sa boutique. Il dit, voilà comment on vous dépouille. Un pasteur qui vous appelle pour que vous allez prier chez lui. N'allez pas, c'est une boutique. Parce que les vrais pasteurs ne courent pas après les brebis. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, est-elle me suivre? Il n'a pas dit que mes brebis, je les oblige à venir chez moi. Non! Quand Jésus guérissait les gens, il leur disait quoi? Allez témoigner. Il y en a même qui disaient, Seigneur, on va te suivre. Il dit, non, allez témoigner. Un prédicateur qui vous dit, viens prier chez moi là. Viens prier avec moi, frère. Ça là, sur le, déjà ton voisin, sur le contrôle. Voilà. C'est l'esprit de contrôle, de manipulation. Parce que vous êtes une brebis, c'est une vache à lait. Dis à ton voisin, vache à lait. Voilà, c'est ça. Voilà. Hier, on a bu mon lait par défaut, pasteur. Aujourd'hui, que Dieu m'a ouvert les yeux. Viens encore prendre le lait chez moi. Là. Pasteur, apôtre, prophète, je veux te montrer, mes amis, le nom de Dieu que je sais. On est libre. Hier, je me suis fait dépouiller. Comme vous, vous croyez quoi? Moi aussi, je croyais. Un apôtre qui débarque comme ça de Côte d'Ivoire qui vient. Oh, voilà, homme de Dieu. Je prends les bijoux, je donne. Oh Seigneur, Dieu nous sort de loin. Entre-temps, il prend les bijoux ici. Il va coucher avec les femmes. Marié, hein? Voilà! Je bénis Dieu que nos enfants là sont nés dans le message là, parce qu'ils ne pourront pas être dépouillés par les faux là. C'est fini, ils ont les yeux ouverts. Nos filles là qui sont là, vos filles là qui sont là, qui sont belles, aucun pasteur ne pourra les manipuler, les dépouiller, les violer, tout, parce qu'elles ont la vérité. Si un pasteur vient, ma fille, tu as une belle voix, viens chanter à moi. Pasteur, je n'ai pas de chorale, je chante avec Jésus-Christ de Nazareth. Fini ça! Alléluia! Vous connaîtrez la vérité! Voilà! Fini. Oh non, j'ai un séminaire, tu viens animer mon séminaire. Parce que je n'anime pas les séminaires des bishops. Je chante devant le trône de mon Père Céleste. Oh non, viens, tu chantes bien, je vois, tu as une belle voix, je veux te produire. Non, pasteur, Dieu est mon producteur. Mais j'ai une librairie, on va vendre tes produits. Non, pasteur, je ne vends pas mes produits, je les donne gratuitement parce que Dieu m'a donné gratuitement. Voilà. Dis à ton voisin, c'est ça la parole de Dieu. Voilà. Je regardais une musicienne, soi-disant, une chante chrétienne, soi-disant. Mais c'est de... C'est, oh, que Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous aide. Seigneur, aide-moi. Que Dieu nous aide. Frère, il faut tout casser. Il faut tout renverser encore. Moi, j'aime tout. Il faut tout casser dans nos églises, dans nos cœurs, dans nos maisons. Il faut tout renverser pour mettre des fondements nouveaux. Au nom de Yeshua, il faut tout casser. Ça va? Vous avez vu les anges adorer Dieu au ciel? Vous avez vu comment ils sont humbles? Allez au ciel, dans l'Apocalypse. Allez voir comment les anges chantent en chœur. Vous n'allez pas voir l'archange, un chérubin là-bas, sortir du lot pour dire des voix bizarres, des techniques vocales, je ne sais pas quoi, là, à la Maria Carré, hein, à la Whitney Houston, hein, à la Beyoncé. Dans la chrétienté, il y a des Beyoncé, il y a des Rihanna, il y a des Michael Jackson, il y a des Bob Marley spirituels. Nos églises sont malades. Dis à ton voisin, il faut tout casser. Voilà. Vous avez vu Pierre faire du Bob Marley, du Rasta dans les églises, du Bob Marley. Tchaka, tchaka, tchaka. On dit c'est ça chrétien. Du rap dans l'église, du rap. Vous avez vu dans la Bible, quelqu'un dit, non mais David, il y a un concert, hein, un concert de Azaf. L'entrée c'est 3, non, c'est $45, 45 euros pour les VIP, ceux qui doivent être devant l'autel pour voir l'idole, leur idole. Oh, que Dieu aide cette génération-là. Vous allez adorer votre père et on vous dit, pour y aller, il faut commencer par payer. Combien? 45 euros. Ben moi, je suis au chômage. Comment je fais alors? Ah ben malheureusement, tu ne peux pas adorer Dieu parce que le chômage est un démon. Donc, tu es maudit, tu n'es pas béni. Parce que si tu étais béni, tu aurais dû avoir une grosse BM, un 4x4, n'est-ce pas? T'es pas béni, mon frère. T'as pas compris que l'évangile de la prospérité marche actuellement? Voilà. Ah, t'as vu mon mari? Oh, oui, je l'ai vu. Ah ben, il est un grand pasteur, hein, mon mari. Hein? Je ne suis pas marié avec n'importe qui. Hein? Je ne suis pas marié à n'importe qui, frère. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère. Tout ça, là. C'est du pipeau, tout ça. Là. Tout ça, là. C'est tout ça, là. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Vous êtes là? Ça passe ou ça casse. De toute façon, il faut tout casser. À chaque niveau, là, Dieu nous montre les choses, là, il faut tout casser. Commerce. Commerce. Ça a touché le monde entier. Hein. Vous allez en Guyane, la même chose. Le commerce là-bas. Vous allez en Martinique. Oh, la Martinique. Non. Martinique, Guadeloupe. Oh, mais il y a beaucoup de pasteurs même en prison. Même les païens dénoncent nos pasteurs d'aujourd'hui. Si Dieu regarde, il y a très peu de chrétiens qui dénoncent, alors il prend les païens. CNN, une chaîne américaine païenne, dénonce les pasteurs, n'est-ce pas, businessman. Mais TBN, la soi-disant chaîne chrétienne, TBN, oh, TBN fait la promotion de ses partisans, de la prospérité. Gold TV, oh, mais n'en parlons pas. CBN, une chaîne païenne. Et c'est CBN qui dénonce l'opulence de ses pasteurs. Pour vous montrer que cette génération-là ne veut plus de prophètes. Si quelqu'un débite des mensonges, je veux te prophétiser sur le vin. Eh bien, ce sera un prophète pour ce peuple, dit Dieu. C'est pour cela, pour vous marier, vous avez besoin de vos pasteurs. Pour être baptisé, il faut que le pasteur vous baptise. Vous avez vu, donnez-moi un verset, vous avez vu un pasteur baptisé. C'était les disciples de Jésus qui baptisaient. On t'a pas dit que toi aussi tu peux baptiser? Tu crains Dieu? Quand tu vas te tenir devant Dieu, il te posera la question, combien de gens as-tu baptisé? Non Seigneur, parce que moi, on m'a dit que c'était les pasteurs seulement qui devaient le faire. Ah bon? Donne-moi le verset. Hey, mais je sais que ce n'était pas écrit, mais mon pasteur a dit. Ton pasteur est devenu de la Bible alors. Vous avez vu? Oh que Dieu nous aide! Oh que Dieu nous aide! Que Dieu nous aide! Que Dieu nous aide! Vous allez bien? Oh Seigneur. L'heure est grave. Les gens se battent pour les titres. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Le plus grand, c'est moi. Et vos frères et sœurs, prenez tout. Parce que ici et là, partout, c'est moi, je dis, c'est pas si simple, prenez tout. Mais une chose qu'on ne peut pas vous arracher, c'est Jésus. Paul l'a dit, j'ai l'assurance. Okay. Ils sont prêts à toutes sortes de compromissions pour ne pas qu'on ferme leur bâtiment d'église. Prêts. Toutes sortes de cinéma pour se faire introniser, je ne sais pas où. Intronisation sur intronisation chez les pasteurs d'aujourd'hui. La pastorale française, mais un nid de serpents. Un Sanhédrin. Pastorale africaine, alors on n'en parle même pas. Eux-mêmes, ils ne se cachent. Même les Européens sont plus discrets. Alors, les Africains, là, ils sont beaucoup plus... Le bling-bling, ils sont matu, le matu vu. Alors là, c'est, n'en parle même pas. Si on est malade, on va le voir. Là, on, a, c'est, on se dit, non, ça y est, là je vais en enfer, là, parce que ce n'est pas possible. Vous sentez déjà que les démons qui sont là. Les prophétesses d'aujourd'hui, quand quelqu'un dit je suis prophétesse, c'est une femme, tu peux être sûr et certain, dans la majorité des cas, c'est qu'elle veut ton argent. Vous savez comment ça se passe? Ah, oh, je vois ta tante qui t'attaque, je vois un démon terrible qui est derrière toi. Jamais elle voit les anges. Et comme les chrétiens d'aujourd'hui ont peur des démons, tout le monde commence à trembler. Oh, démons, ils sont combien? Ils sont 10. Alors que dois-je faire, prophétesse? Offrande. Alléluia! On connaît le système. Maman, elle est où? Ça, c'est l'homme qui rentre du travail. Il demande à ses enfants, où est maman? Ben, maman, elle a la prière. Elle est chez la prophétesse. Elle est en train de recevoir des directives. Du sel. Il y en a ici qui utilisent le sel pour chasser les démons. Il y en a ici, Dieu me montre. Vous recevez le message, mais vous avez du sel chez vous pour oh, que Dieu nous aide. Oh, que telle génération, frère. Qui a du sel ici? Hey, n'ayez pas honte. Levez les mains. Du sel. Qui utilise du sel là pour chasser les démons, tout ça là? N'ayez pas honte. Levez les mains, s'il vous plaît. Merci, ma soeur. Qui d'autre? Toi aussi, merci. Là-bas aussi, du sel. Là-bas, voilà du sel. Prenez ce sel-là, utilisez-le pour la nourriture. Les démons n'ont pas peur du sel. Alléluia! Mais le sel, ça provient de la mer. Mais ils sont là-dedans. Que Dieu nous aide. Si vous ne savez pas maintenant, vous le savez. Sous la loi, on utilisait le sel pour les offrandes. Maintenant, c'est fini le sel. Là. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Alléluia. Voyez, frère, si vous ne connaissez pas la parole, on va vous manipuler, on va vous dépouiller. Frère, Dieu m'a dit, va et libère mon peuple. Quelqu'un que Dieu a missionné pour libérer le peuple, si vous n'êtes pas le peuple de Dieu, vous allez être décapité avec la parole. Ah oui, hein? Parce que le message que Dieu donne, c'est pour libérer le peuple. Parce que une femme en prison ne peut pas aller au mariage. Il faut d'abord la libérer de la prison. Donc, l'enlèvement de l'église commence par la délivrance des chrétiens par rapport à l'ignorance. Pour les préparer à l'enlèvement. Que vous preniez du gros sel, ou du sel fin, ou du sucre, ou mettre une bassine d'eau devant votre porte, les démons sont déjà dedans. Ils sont dedans. Un seul nom fait trembler les démons. La Bible dit sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné. C'est écrit, aucun autre nom. C'est écrit, frère. Le sel est un nom. Le sucre est un nom. L'eau est un nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul nom. Oh, le pasteur il guérit les gens, on ne guérit personne. Oh, le pasteur délivre, frère, il y a un seul nom qui délivre, ce ne sont pas les hommes. Nous sommes des simples, des serviteurs inutiles, de la poussière. Dis à ton voisin, nous sommes de la poussière. Bah, voilà. Tu vois bien? Les nouvelles personnes, levez les mains s'il vous plaît. Nouvelles personnes, nous vous recevons au nom de Jésus-Christ. Voilà. Gloire à Dieu. C'est une guerre, hein? C'est une guerre. Nous sommes en guerre. Dis à ton voisin, ils sont en guerre. Contre le péché. Contre les démons. Osez. chapitre 6. Donc toujours, je demanderai aux frères et à ceux qui sont dehors d'être attentifs à la parole. Osée, chapitre 6, verset 1 au verset 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relevera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. La pluie du printemps qui arrose la terre. Voilà. Mes amis, Dieu est grand. Nous avons besoin de la parole de Dieu. L'évangile pur, l'évangile véritable. Osée était un prophète, comme vous le savez. Et les prophètes, frères, écoutez bien. Un vrai prophète ne s'attache pas aux hommes. Non. Croyez-moi, un vrai prophète, une vraie prophétesse, jamais vous ne le verrez, n'est-ce pas, ces personnes t'attacher à vous. Dès l'instant où il commence à s'attacher aux hommes, Dieu les détache, il les cache. S'il refuse, Dieu les brise. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il soit intransigeant. Dieu veut qu'il soit sans, c'est-à-dire pas des sentiments, qu'il crie simplement. Oh, s'ils commencent à s'habituer aux hommes, ils ne pourront plus parler. Et Osée était justement ce prophète-là que le Seigneur avait appelé pour aller parler aux Juifs, pour aller parler à ces hommes et ces femmes que Dieu avait sauvés de l'Égypte. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné justement Dieu. Et Osée arrive avec un message centré sur la personne de Yeshua. Et il dit quoi? Retournons à Dieu. Voilà le message des prophètes. C'est le retour à Dieu, frère. Ce message concerne tout le monde. Moi, le premier. Chaque chrétien destiné au ciel doit faire tous les jours un retour vers Dieu. Si dans ta vie, il n'y a plus de repentance, ça veut dire que tu es devenu Dieu. Tu connais tout. Il n'y a qu'au ciel où il n'y aura plus de repentance. Retournons à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'en est éloigné des enseignements erronés qu'on nous a donnés, qu'on nous a inculqués, nous ont éloignés de Dieu. Nos églises qui sont censées nous montrer le chemin, nous montrent le chemin de la mort, parce qu'on nous enseigne à être attachés aux hommes plutôt qu'à Dieu. Quand tu tombes amoureux, amoureuse, comment tu réagis? Toi qui étais zélé, comment tu réagis aujourd'hui? Depuis que tu es amoureux, amoureuse, tu dois revenir à Dieu. Ah oui? Parce que ton mari, que tu as rencontré le Seigneur, s'il n'est pas spirituel, il peut t'amener en enfer. Ananias et Saphira, on connaît l'histoire de ce couple. Adam et Ève. Ah oui, frères et sœurs. Deux valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre le relève. Mais si dans le couple, l'autre, celui qui est tombé, celui qui est debout ne peut plus relever celui qui est tombé, et qu'il tombe, il veut tomber avec l'autre, c'est fini. L'enlèvement de l'église. Yeshua a dit quoi dans Luc 17? Deux personnes qui dorment dans un lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme qui est tombé, au lieu que la femme qui est debout reste fidèle à la parole, ben elle dit, mais c'est mon chéri, alors je préfère quand même le suivre. Ah hein? Suivez. Tu vas rater l'enlèvement à cause de ça. Chérie, les problèmes de sentiment de cœur, là, si tu n'es pas ferme avec Dieu, c'est fini. Toi qui aimais la vérité, toi qui aimais Jésus, tu es là, tu es célibataire, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Quand un homme va arriver, quand une femme va arriver, comment tu vas réagir? Plus prière, fini. Jusqu'à 23h, minuit au téléphone. 3h au téléphone. Chérie, chérie, chérie, chérie, chérie. 5 secondes pour la prière. Fini, c'est cuit. Tu as des enfants. Quand tu étais célibataire, tu étais là, la prière, la parole, la parole, la parole. Quand tu commences à avoir des enfants, oh non, mais tu sais, je ne peux plus vraiment prier comme avant parce que quand même il y a des enfants. Ok. Tu dis d'accord. Donc tu me demandes des enfants, je te les donne. Et les enfants deviennent maintenant des obstacles pour moi. Pour toi, pour ne plus venir vers moi. Je ne parle pas de réunion d'église, je parle de ton intimité avec Dieu, chez toi. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Dieu, pour beaucoup de chrétiens, c'est l'église. Alléluia. Quand tu n'avais pas de voiture, tu priais Dieu. Quand tu as eu ta voiture, tu es tout le temps en train de rouler à gauche, à droite. Partout. Tu dis, ok. Et Dieu dit, revenez. Revenez. Malheur aux enfants rebelles. Qui m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Hein? Pour se creuser de citernes crevassées. Qui ne retiennent pas l'eau. Avant, quand tu étais seul, tu craignais Dieu. Mais quand tu commences à voir un peu la foule autour de toi, tu abandonnes le message. Ah bon, frère, je préfère être seul. Ça, j'ai compris. Seul, mais avec Dieu. Plutôt que d'être entouré et sans Dieu. Ça, je refuse. C'est pour cela que quand je dis que je n'ai plus d'équipe, c'est pas parce que je n'aime plus mes frères et sœurs. Au contraire, c'est parce que je veux aussi me protéger. Je veux aller au ciel. La seule équipe dans laquelle je suis, c'est l'équipe du royaume de Dieu. Les enfants de Dieu dans le monde, on n'est pas divisés. Revenons, chrétien, tu veux partir au ciel? Reviens. Ça, c'est un message qui te concerne. Reviens. Reviens, ma soeur. Reviens, mon frère. Et Osée est venu crier ce message, partager ce message aux Hébreux. Le retour à Dieu. Vous savez pourquoi? Osée parle du retour à Dieu, premièrement. Deuxièmement, il parle de sa venue, de la venue du Mashiach. Mais avant que Yeshua ne revienne, Osée nous apprend ici quelque chose d'important, de capital. Il dit, il faut qu'il y ait un retour à Dieu. Oh oui. Donc Yeshua, à Mashiach, reviendra chercher les hommes et les femmes qui ont fait un retour. Comme le fils prodigue. Voilà l'état de notre église. Nous étions dans la maison du Père. Nous mangeions le pain du Père. Nous buvions l'eau du Père. Mais quand nous avons eu notre héritage, l'onction, la gloire, l'argent, le mariage, le ministère, le travail. Quand on a commencé à voir un peu notre héritage, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, Père, eh ben, je veux aller dans un pays lointain. Et c'est ce qu'on a fait. On a pris son héritage, on a pris son ministère, on a pris son bâtiment à l'église. Et on a quitté Dieu. Dieu! Allez, reste là-bas. Je préfère m'attacher plus à mon ministère qu'à toi. Voilà ce que beaucoup font. Je préfère être beaucoup plus attaché à mon ministère, mon ministère, mon ministère, mon ministère. Voilà pourquoi on est prêt à tuer pour le ministère. Et tue même pour le ministère. Et on a demandé à Dieu l'indépendance. Comme Dieu est amour, est juste, il accepte, ok, et on prend notre héritage, comme le fils prodigue. On prend l'onction, on prend le ministère, on prend le succès, les paroles que l'on reçoit des hommes dans le monde entier, qui nous disent, qui nous gonflent que nous sommes des grands hommes, des grandes femmes, des grands ministères, des grands pasteurs. On a pris ça et on a dit à Dieu, allez, reste là. On est parti. Où? Dans un pays lointain. Et qu'est-ce qu'on a fait avec cette gloire? Et on a commencé à vivre dans l'opulence, dans la licence, dans le péché, dans la compromission. On a tissé de relations avec d'autres pasteurs qui eux-mêmes se sont éloignés de Dieu. On a créé des pastorales. On a créé quoi? On a créé des fédérations, des dénominations. Et on a dit à Dieu, reste là-bas. Et on a commencé à se congratuler, à se glorifier les uns les autres, à s'élever les uns les autres. À s'inviter mutuellement pour avoir de l'argent. à s'envoyer en mission pour recevoir des enveloppes, pour avoir de l'argent. Et quand on a, ils ont fini leur onction, quand ils ont, une fois qu'ils ont tout utilisé et que l'onction n'est plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme le fils prodigue, ils sont allés travailler pour les gens du pays, c'est-à-dire l'homme le plus riche du pays, c'est-à-dire Satan. Satan devient leur maître. Il quitte la maison du père, le fils prodigue. Il va dilapider sa richesse avec les prostituées. C'est-à-dire, mes amis, les femmes de ce monde, les hommes de ce monde, également les autres prostituées, c'est-à-dire la Babylone. Le fils prodigue a commencé à copuler, à marcher avec Babylone, la prostituée qui a enivré les rois de ce monde avec le vin de sa débauche. Le fils prodigue a préféré créer son ministère en dehors du royaume de Dieu, en dehors de la présence de Dieu. Il a rejeté le Père Céleste. Il a commencé à se prostituer, aller avec les prostituées, avec sa richesse, avec son succès, avec sa renommée, à se prostituer. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps. Et une fois qu'il a fini toute sa richesse, il n'avait plus rien. Eh bien, il est allé se faire embaucher par, n'est-ce pas, l'homme le plus riche du pays. L'ennemi, Satan, qui lui a proposé une autre richesse. Alléluia. Réveille-moi le frère, là, s'il te plaît, frère. Voilà. Vous avez besoin de la délivrance, guérison, il ne faut pas dormir. À moins que vous soyez malade. Je sais qu'il y en a qui dorment parce qu'ils sont fatigués. D'autres, ils dorment parce qu'ils sortent de leur corps. Restez ici. On ne peut pas dormir là où il y a la parole. Non. Et nous n'avons pas d'autre solution que la parole. Ce n'est pas l'imposition des mains qui vous guérira. C'est la parole d'abord. Il faut l'honorer. Il a commencé à travailler avec, à travailler pour les porcs, à nourrir les porcs. On sait ce que c'est les porcs dans la Bible. Le porc, chez les Hébreux, était l'animal le plus répugnant. Et le fils prodigue, celui qui était dans la maison du père, qui avait le message du temps, a commencé à manger la nourriture des porcs. C'est exactement ce qu'ils font beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils étaient dans la maison du père. Ils connaissaient Dieu. Dieu se révélait à eux. Ils avaient une onction sainte. Ils prêchaient le message de la vérité. Ces prophètes, ces prophétesses. Ils craignaient Dieu. Ils avaient la parole avec eux. Mais à cause de la renommée, ils sont allés voir Dieu. Ils ont demandé l'indépendance. Ils sont partis. Ils ont tout gaspillé. Ils ont fait des fédérations, des dénominations, des alliances humaines. Des connexions avec les hommes, avec ce qu'on appelle les grands pasteurs. Et ensuite, ils ont commencé à manger les mets des porcs. Des porcs. Les inconvertis, les méchants, les pécheurs. Et la parole nous dit, quelques temps après, il y a eu la sécheresse dans ce pays. C'est ce qui se passe actuellement. La sécheresse. Beaucoup de chrétiens dans ces églises cherchent la parole de Dieu, cherchent Dieu. Où est Dieu? Où est Dieu? Beaucoup y vont parce qu'ils n'ont pas le choix. Et la sécheresse spirituelle. Et cet homme, le fils prodigue, est rentré en lui-même. C'est la repentance. Il dit, combien d'ouvriers n'ont-ils pas à manger chez mon père? Et moi, je suis ici, je souffre. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Frère, c'est la repentance. Il est temps que nous rentrions en nous-mêmes. Il est temps que, frère, nous revenions au message véritable. Même vous qui avez reçu ce message, il est temps de faire un examen personnel. Et la Bible dit qu'il est revenu à Dieu. Et son père ne l'a pas rejeté. Au contraire. Il l'a accueilli. Donc, avant l'enlèvement de l'église, avant le retour de l'époux, les véritables enfants de Dieu dans le monde entier, même ceux qui sont tombés, parce qu'ils sont destinés au salut. Parce que ces hommes et ces femmes ont vécu, n'est-ce pas, ont goûté au monde, ils ont vu qu'il n'y a rien. Ils ont traîné pendant des années dans les déserts de ce monde. Ils ont été dans la convoitise, dans la masturbation, dans le mensonge, dans la cupidité, l'adultère. Ils ont vu qu'il n'y a rien. Beaucoup d'enfants de Dieu, véritables, commencent à entendre le son de la trompette et commencent à rentrer en eux-mêmes, à s'examiner et à revenir à la véritable parole de Dieu. Et à dire au péché et à l'ennemi, c'est fini la récréation, c'est fini la comédie, c'est fini l'errance. Il est temps de revenir à la maison du Père. Il est temps de revenir non à nos églises, mais au royaume de Dieu. Et beaucoup reviennent à la maison. C'est pour cela que vous voyez ce mouvement spirituel dans les nations où des chrétiens sont touchés. Alors beaucoup maintenant veulent en profiter pour les enfermer dans les bâtiments d'église, dans les maisons d'église. Ils disent, il faut leur donner l'adresse. Mettez les adresses de nos églises sur vos sites. Non. Ce n'est pas ça le message, frère. Vous n'avez pas compris. Vous voulez tordre le message. Non. Laissez-les avec Dieu. La moisson, le réveil n'a pas été mise en place par le Seigneur pour remplir les bâtiments d'église. Le réveil, la moisson, c'est pour remplir le royaume de Dieu, frères et sœurs. Quand une âme se convertit au ciel, nous dit la parole, il y a une fête. On n'a pas dit dans nos églises, il y a une fête. C'est au ciel. Parce que les noms sont inscrits là au ciel, frères et sœurs. Alléluia. Si tu as ton nom sur la liste de ton église locale, ça c'est ton problème. Moi, mon nom est nulle part. C'est là-haut. On peut se réjouir pour ton adhésion à une église locale, c'est bien. Mais il vaut mieux que, les gens, que le ciel se réjouisse parce que tu es rentré là-dedans. Parce que tu es ressuscité et assis dans les lieux célestes en Christ. Voilà. Revenons. Et vous savez, on ne peut pas revenir à Dieu si on ne fait pas un arrêt. Ah non. Parce que nous marchons. Nous courons même. Et Dieu vient et dit, arrête-toi. Comme Balaam, arrête-toi là. Et si on veut forcer la main de Dieu, c'est la mort. Il te dit, arrête-toi maintenant, arrête-toi. Tu as trop couru, tu as trop marché, tu as trop, n'est-ce pas, été ici et là. Maintenant, tu t'arrêtes là. Un stop. Tu t'arrêtes et tu vas commencer à t'examiner et à examiner ton environnement, à regarder devant, à droite, à gauche, derrière. Et une fois que tu es arrêté, la deuxième chose, c'est quoi? C'est, tu fais demi-tour. Tu repars vers le Père. Et en t'arrêtant comme ça, tu auras des gens qui, avec qui tu marchais ou tu courais, qui vont continuer à courir, qui vont se moquer, qui vont te dire, mais dépêche-toi, on t'attend. Non. Moi, je m'arrête là. Je m'arrête ici. Tu repars. C'est pour cela qu'Osée a dit, revenons. Il s'était inclus lui-même. Hein? Revenons à Dieu. C'est pour cela que je vous dis que je ne vous recommande aucune église. C'est parce que nous devons revenir, non aux églises, mais à Dieu. Parce que tu peux fréquenter une église locale pendant des années et en avoir assez. Vrai ou faux? Ça arrive. Déjà, j'ai envie d'autre chose. Mais quand tu es dans le royaume de Dieu, si tu es touché véritablement, tu ne peux pas dire que tu as besoin d'autre chose. Non. Parce que Dieu va combler tous tes besoins. Oh Seigneur, revenons à Dieu. Pourquoi? Eh bien, Osée a dit, il a frappé, mais va nous guérir. Combien n'ont-ils pas besoin de la guérison aujourd'hui? Notre génération compte beaucoup de malades. Vous avez des malades qui sont en costume et cravate, mais ils sont malades. C'est des malades mentaux, des malades de maladies terribles. Psychologiquement, beaucoup sont malades aujourd'hui. Il y en a qui veulent se suicider, d'autres prennent des cachets. Voilà, beaucoup sont malades. Voilà. Il nous faut la guérison. Et la guérison dont tu as besoin, je ne peux pas te l'apporter. Jamais. Aucun prophète, aucun pasteur. C'est pour cela que tu es beaucoup déçu des églises. Parce que tu as cherché la guérison dans les églises. Au lieu de la chercher en Dieu, dans la prière. Il l'a frappé, il le guérira. Dans 2 jours, hein, dans 3 jours, il nous rendra la vie. C'est quoi? C'est la résurrection qui aura lieu lors du retour de Yeshua. Les morts en Christ resteront propres. Frère, nous avons la primauté, nous avons la priorité, nous sommes prioritaires. Nous, peuple du ciel. La 7e trompette va retentir et la mort laissera partir tous les croyants en Christ, prioritairement. C'est pour cela qu'il dit, il a frappé et il y a la mort. Mais dans 3 jours, il nous rendra la vie. Il va nous relever, c'est la résurrection. Où est le message de la résurrection aujourd'hui? Les gens ont peur de la mort, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a après la mort. Ils ont peur de la mort, vous savez pourquoi? Parce qu'ils se disent, c'est fini pour moi. Comment ça va se passer? Mes enfants qui s'en occupera? Les gens sont angoissés face à la mort. Eh bien, s'il n'y a pas le message de la résurrection qui apporte l'espoir, cette humanité, l'humanité est perdue. Vous avez vu combien les gens sont accrochés à leur médecin? Parce qu'ils sont devenus des dieux, ces médecins. Pourquoi? Parce qu'ils proposent la vie. Mais que donnerait-il un homme en échange de sa vie? Voyez? Rien! La vie, c'est la chose la plus importante que tu as. Et tu es prêt à tout pour la garder. Si tu as 10 000, on te dit donne-les. On te laisse la vie sauve. Eh bien, tu vas les donner. Parce que la vie que tu as, c'est précieux. Aller dans les hôpitaux voir comment les gens sont malades. C'est précieux, la vie. Mais Yeshua nous propose une autre vie. La résurrection. Et là, on nous dit que dans 3 jours, on va te relever. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que ça fait plus de 2000 ans maintenant que l'église existe. Nous rentrons dans le 3e jour. Donc la 7e trompette va retentir bientôt, frères et sœurs. Et le départ des saints vers le ciel. Et le prophète dit, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Regarde. Ça veut dire que la venue de Yeshua sera précédée par la nuit. Les ténèbres. C'est ce que nous voyons actuellement. Les ténèbres, le péché, la compromission, le divorce, le remariage, des lois antibibliques. Tout ça là nous témoigne, nous confirme que nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes à minuit dans l'horloge de Dieu. Ah oui, frère. Vous savez pourquoi beaucoup se suicident? Parce que c'est la nuit, ils ne voient pas plus loin. Pendant la nuit, s'il n'y a pas de lumière, comme il n'y a pas de lumière, on ne va pas plus loin. Il n'y a plus d'espoir, plus d'espérance. Les gens se suicident parce qu'ils ne savent pas où aller, dans quelle direction aller, quel chemin prendre. Ils ne voient pas. Voilà pourquoi le message de l'évangile, qui est la lumière, arrive pour éclairer ces hommes et ces femmes et leur dire, bientôt là, nous allons partir. Nous allons partir. Et là, le message arrive au bon moment. Frères et sœurs, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. De même que quand tu te couches la nuit, tu te dis, ah chérie, demain matin, je vais faire telle démarche. Pourtant, il est 22h. Hein? Mais tu parles déjà du matin avec conviction. Pourquoi? Parce que tu sais pertinemment que les hommes le veuillent ou pas, le jour finira par se lever. Vrai ou faux? Ben voilà. C'est-à-dire nous qui avons foi en Yeshua, nous devons fonctionner comme ça. Frères et sœurs, eh bien, demain on va se voir. Demain c'est quoi? Même si on me tue. Voilà pourquoi les premiers chrétiens, quand bien même on le menaçait des morts, ils disaient aux frères et sœurs, nous allons nous retrouver bientôt là-haut. Parce qu'ils étaient sûrs et certains que le Seigneur était leur vie. La venue de Yeshua est comparée premièrement à l'aurore. Deuxièmement, à la pluie du printemps. Cette pluie était capitale pour les orientaux, pour les Hébreux. Ah oui, frère. Cette pluie préparait, mes amis, le sol à la moisson. Oh, que Dieu nous aide. Et on présente le retour de Yeshua comme l'aurore, comme on le compare à l'aurore et aussi à la pluie. Vous vous rendez compte, la pluie, frères et sœurs, avant qu'il ne pleuve là, qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi, dites-moi un peu. Le ciel devient comment? Sombre. Qui est d'accord avec ça là? Vous voyez, frères et sœurs? Donc avant le retour de Jésus, le ciel spirituel va s'assombrir. Le péché dans les églises va s'agrandir. Des pasteurs vont abandonner la foi. Des chrétiens deviendront idolâtres. Qu'est-ce que Paul dit dans Romains 1? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et toute impiété des hommes qui, dans la version de Darby, il est dit, malgré le fait qu'ils aient la vérité, mais ils la gardent pour eux. Ils la retiennent. Et Paul dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. C'est le ciel qui s'assombrit actuellement, depuis quelques temps déjà. Et ils ont préféré adorer et servir la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Les églises sont des créatures, des créations de Dieu. Dieu a créé et implanté l'église. C'est une création. Mais beaucoup préfèrent servir leurs églises locales que Dieu. Si tu es plus fidèle à ton église locale qu'à Dieu, si tu meurs comme ça, c'est l'enfer. Oui. Ton église ne pourra pas te sauver. Ils ont changé l'image de Dieu, du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible. L'image là, c'est effigie. L'effigie. Vous savez, quand on a posé la question à Yeshua dans Matthieu 22, par les pharisiens, doit-on payer l'impôt à César ou pas? Il a dit quoi? Montrez-moi cette pièce de monnaie. De qui porte-t-elle l'inscription? Elle est l'effigie. On a répondu de qui? De César. L'effigie, c'est l'image de César. L'image de la bête. Notre génération, c'est la génération de l'imagerie. Tout tourne autour de l'image. Son image. Ah, mon image. Oh, ma photo. Ah, ma vidéo. Oh, Facebook. Oh, regardez bien. L'image. L'image de l'homme mortel. Hollywood. Les belles femmes, les hommes beaux, maquillage, les mannequins. L'image. Et qu'est-ce qu'on voit dans les églises? L'image également. Hein? Oh, que Dieu nous aide. Ces hommes, ils sont beaux, ils sont bien présentés. Voilà, l'image. Toutes sortes de produits cosmétiques pour te rendre beau. Hein? L'image, c'est notre génération là. Le ciel s'assombrit, les démons tombent du ciel, possèdent de plus en plus les églises. Oh oui. L'image. Voilà pourquoi, quand j'ai regardé cette vidéo de cet homme qui chantait, qui est décédé, chrétien, j'ai vu des musiciens chrétiens soi-disant porter des t-shirts avec sa photo dessus. Je dis, oh voilà. Voilà, l'image. L'image. Les catholiques avaient besoin des images. Dieu dit, tu ne feras pas d'image taillée. C'est écrit. Mais nous, nous sommes tellement devenus idolâtres. On a les... Je vous ai dit, hein, des photos de Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui ont... Vous allez dans les librairies chrétiennes, c'est ici, celle-ci. Vous allez voir la photo de Jésus-Christ de Nazareth. Là, qui l'a pris en photo? Donnez-moi le nom de ce photographe. Hein? Il est blanc aux yeux bleus. Sur la photo. Il a une longue robe blanche avec une lumière, une lueur là derrière. Souvent représenté avec un petit enfant. Et ça paraît doux. Voilà l'image. Nous aimons ça là, nous, les humains. Quand Moïse s'est absenté 40 jours sur la montagne, le peuple a dit quoi? Faites-nous un Dieu. Aaron, fais-nous un Dieu. L'image. Un veau d'or. Israël, voici ton Dieu. Ben voilà. Le ciel s'assombrit. La parole dit, hein, la lune, le soleil ne donnera plus sa lumière, c'est écrit. Avant la pluie, le ciel s'assombrit. Premièrement, il y a du vent. Vrai ou faux? Ah ben le vent là, frère. Le vent de l'ennemi. Mais Dieu se sert de ce vent pour balayer, pour purifier, pour briser, pour nous détacher des choses de ce monde. Oh là là, ça fait mal. Oh là là là là. Ça va? Voilà. Vous allez au ciel, vous allez être détaché de la terre. Ça fait mal, ça fait mal. Préparez-vous. Ouh là là, Dieu. Ça souffle, ça secoue dans tous les sens. Dieu va nous secouer. Il ne t'a pas encore bien secoué. Il va te secouer tellement qu'il va te détacher de toutes les émotions, la charnelle. Ce que tu appelles ami aujourd'hui, demain, tu vas te dire fini. Mais Dieu, il dit fini. Dieu, le ciel s'assombrit. Esaïe 60 nous dit, lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière, les ténèbres envahissent les nations. Mais c'est ça. Les ténèbres. Et Osée dit, sa venue est aussi certaine. Il était convaincu que l'Éternel allait revenir. Vous avez vu, on a dit que c'est l'Éternel qui va revenir. D'accord? Donc Osée nous apprend que Jésus est l'Éternel des armées, frères et sœurs. Alléluia! Jésus de Nazareth est l'Éternel des armées. Et c'est lui qui est en train de revenir, frères et sœurs. Je méditais la Bible avant-hier. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, quand il a envoyé Moïse libérer le peuple, il l'a envoyé avec quoi? Moïse avait quoi dans sa main? Un bâton, une verge, n'est-ce pas? Ok. Avec cette verge, Moïse est allé devant Pharaon. Il a dit à Pharaon, libère le peuple pour qu'il aille adorer Dieu, servir Dieu. Où ça? Où c'est? Sur la montagne de Sinaï. Libérer le peuple du désert, l'amener à servir Dieu sur la montagne de Sinaï. D'accord? Et Moïse avait le bâton. Et Apocalypse 19 nous dit que de sa bouche sort une épée. Et il va paître les nations. Comment? Avec quoi? Avec une verge de fer. Alléluia. Yeshua revient pour délivrer son peuple comme Moïse, hein, avec une verge de fer. Frères et sœurs, la Bible nous apprend que de même que Moïse est allé libérer le peuple avec une verge, Yeshua, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, est en train de revenir pour nous libérer. Libérer de qui? De Pharaon moderne, de Satan, des démons, de ces hommes qui veulent nous contrôler, du péché, frère. Une verge de fer, c'est l'autorité gouvernementale. Et je vous assure, tous les vrais enfants d'Adonai ne pourront être que délivrés. Je t'assure, l'autorité avec laquelle Yeshua revient chercher l'épouse est telle que tu ne peux être que libéré du péché. Libéré. Oh my God. Ha. Quand Moïse est allé, je vous dis, sa venue est aussi certaine. Qu'on le veuille ou pas, quand la pluie décide de tomber, elle tombe. Et quand elle tombe, c'est pourquoi? C'est pour arroser, frère, pour féconder. Yeshua, frères et sœurs, qui a mandaté Moïse. En fait, Moïse était une préfiguration de Yeshua, une image de Yeshua. Il est allé avec un simple bâton. Il est allé devant Pharaon, qui était considéré comme une divinité. Il a dit à Pharaon, moi Moïse, je viens libérer le peuple. Pharaon avait une grande armée. Et il pose la question certainement à Moïse, avec quelle armée vas-tu libérer le peuple? Moïse dit, avec le bâton que j'ai. Parce que le bâton représente l'autorité du nom de Yeshua qui m'a mandaté pour libérer le peuple. Frère, oh Pharaon, représente nos pasteurs qui veulent que les chrétiens restent dans leur dénomination, qui veulent voir les chrétiens dans leur bâtiment pour payer l'impôt qu'on appelle la dîme. Oh frères et sœurs, le temps est arrivé. Avant le retour visible de Yeshua, l'épouse sera arrachée du sol. C'est pour cela, chrétiens, blancs, noirs, maghrébins, asiatiques, tout ça, le message, Dieu l'a envoyé déjà. Les prophètes, les prophétesses de temps moderne, dans les nations, crient, sonnent le chauffard. Afin que l'épouse se lève. Afin que les guerriers et les guerrières se lèvent. Dans Psaume 60, il est dit au verset 5, Dieu donne une bannière à ceux qui le craignent, afin qu'ils l'élèvent pour l'amour de la vérité. L'église véritable a reçu la bannière, l'étendard, le drapeau qui représente le lion de la tribu de Judas. Jesus Christ, le nom qui sauve, le nom qui affranchit, le nom qui délivre. Oh mon ami, l'aurore arrive, l'aurore va se lever, le soleil va se lever, l'étoile brillante du matin va se lever. Et tes ténèbres vont se dissiper. La franc-maçonnerie sera brisée. La rose-croix sera brisée. La sorcellerie de Pharaon sera renversée. Et là, descendant, Dieu dit, et confondons leur langage. Oh my God. Oh, alléluia, église, lève-toi, église, réveille-toi. Peuple du royaume céleste, messager et messagère de la bonne nouvelle, guerrier et guerrier, envoyé de Dieu, vous qui avez été sauvés depuis le ventre de vos mères, depuis l'éternité passée, vous qui avez l'amour pour la vérité, vous avez reçu l'étendard de la vérité, vous avez reçu la bannière de la vérité, vous avez reçu le paix de la parole de la vérité. Nous n'avons pas perdu de l'espérance, car notre espérance porte un nom, Jésus de Nazareth. Notre espérance porte un nom, Jésus de Nazareth. C'est lui ton pasteur, c'est lui ton apôtre, c'est lui ton prophète, c'est lui ton évangéliste, c'est lui ton diacre, c'est lui ton ancien, c'est lui ton bishop, c'est lui ton époux, c'est lui ton chemin, la vérité, la vie, le roc, le rocher, les âges. Oh Dieu, oh Dieu, il rassemble les nations sur Jérusalem. Il rassemble les nations à Jérusalem afin de mieux les confondre. Il rassemble les grands de ce monde. Oh alléluia. Jesus Christ, le Dieu de gloire. Les nations sont en ébullition. Les nations du Maghreb sont en ébullition. C'est pour vous montrer que le retour de Mashiach n'est plus loin. Les nations musulmanes sont en ébullition. Israël est en ébullition. Le monde est en ébullition. Avec les crises qui frappent les nations. Pourquoi? Parce que Yeshua revient. Les démons tombent du ciel. Les étoiles tombent du ciel. Oh, cri d'Abaraka Shaya. Oh Lord. Inclinons-nous, porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Il est là. Thank you. Le chant que les anges chantent en ce moment. Tu es saint, saint, mon Dieu. Tu es saint. Tu es saint, saint, mon Dieu. Son trône, il chante son cantique. Tu es saint, saint, mon Dieu. Tu es saint, mon Dieu. I love you. Oh, oh, oh, oh. I love you. Oh, na la mandala kalabala. Yolo lo mori la bakara mandala bashika la bayoko. Oh linda bala la bakari le mori la bashila la bakara bala kaseka na manda bala shika la baba baba. You wonder lo komondo lo kashika la baya baba. Lord, how will ever I end up a secalaba, secalamanda la baba? Oh, Seigneur, oh, Seigneur, merci pour ce chant nouveau. Merci pour ce chant nouveau, Seigneur. You are holy, tous ensemble, alléluia. Oh, Jesus Christ, you are holy, you are holy, holy, my God, you are holy, holy. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, oh, oh. Reviens à la maison, oh, mon peuple. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Mon Père, me voici devant toi, mon Dieu. Devant lui que le Père te veut. Mon Père, dans la maison. Me voici. Me voici. Devant toi. Alléluia. Ah, ah, me voici. Il ne te rejette pas. Devant toi. Il ne te rejette pas. La belle robe est encore là pour toi. Tout dépend de toi. Me voici. Une place t'attend là-haut. Une place magnifique. Toi qui es fatigué de la terre, toi qui es fatigué du monde. Toi qui en as assez. Le Père te tend la main. Me voici devant toi. S'il t'a guéri, c'est pour que tu témoignes de lui, tout simplement. Mais là-haut, il n'y a plus de maladie. La mort ne sera plus là. L'éternité dans les bras du Père. L'éternité en lui, mon Dieu. Mon Dieu, papa. Tu apprendras à marcher par la foi et à lui faire confiance. N'entends-tu pas le bruit de la pluie qui s'annonce? La pluie du printemps. Oh oui. N'entends-tu pas cette pluie? Cette pluie qui est là. Qui est là. La pluie du printemps, c'est la pluie qui précède la moisson. Oh oui, la moisson, mes amis. L'enlèvement, c'est la moisson de l'épouse. Car les fruits seront tellement mûrs, tellement matures, que le Seigneur va venir faire la cueillette. Avant la cueillette, la pluie va tomber. Va tomber la pluie de la parole véritable et, alléluia, t'envoyer. Et cette pluie t'arrose, te nettoie, te purifie, te lave, te lave, te lave, te lave. La pluie du ciel tombe du ciel sur toi, fille d'Abraham, sur toi, fils d'Abraham. La pluie de Dieu tombe, tombe, tombe, t'arrose, te nettoie, te sanctifie. Oh oui, car tu as reçu la parole du temps, tu as reçu l'évangile véritable. Dieu t'a sauvé, femme. Tu as assez pleuré, tu as assez souffert. Voici ta délivrance, voici ta guérison, voici ta libération. Ce soir, Dieu pose sa main sur toi. Il brise la puissance de la malédiction familiale. Il brise cela ce soir. La pluie est en train de tomber spirituellement sur les enfants qui pleuraient, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, les chrétiens qui étaient blessés. Dieu les restaure, Dieu les restaure. Voilà pourquoi ces esprits impurs qui t'ont attaqué jusqu'à maintenant ne peuvent plus te supporter, supporter la présence de Dieu en toi. Ils ne peuvent que partir. Tu les vomis maintenant. Allez, sortez maintenant, démons. Allez, sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça sort là, ça sort. Il y a des serpents qui remontent là. Il y a des serpents qui remontent. Allez, remontez et sortez maintenant. Remontez et sortez maintenant. Allez, sortez. Voilà. Il y a des démons qui sortent là. Ça sort là, ça sort. Ça sort, je vous dis, ça sort. Amenez-la moi, amenez-la moi. Quittez-la, esprit impur. Quittez-la maintenant. Quittez-les. Quittez-les. Amenez-les. Ces démons sortent. Ces esprits de mari de nuit, de femme de nuit. Ça sort au nom de Yeshua. Assis sur son trône, Clince. Car le Père est assis sur son trône. Il a pointé sa main sur nous. Et il est en train de libérer son peuple des démons, de libérer son peuple des maladies incurables, de libérer son peuple des esprits de sirènes, de mari de nuit. Au nom de Yeshua. Oh Père, vous allez la lâcher maintenant. Lâchez-la maintenant. Allez, lâchez-la. Lâchez-la au nom de Yeshua. Il y a comme une pluie de feu. Les chaînes se brisent. Des chaînes de l'ignorance, des chaînes de la mort. Il y en a qui pensaient avoir déjà reçu leur délivrance, mais Dieu aujourd'hui veut totalement les libérer de la mort, les libérer des esprits qui les attaquent la nuit. Tu vas retrouver la paix que tu avais avant. Tu vas retrouver la paix. Toi qui n'as jamais eu la paix, Dieu me dit qu'il te donne la paix maintenant. Ces esprits vous lâchent. Ces esprits vous quittent maintenant dans le nom de Yeshua. Il y a un esprit en forme qui ressemble à un chien. Un esprit qui ressemble à un chien. Qui est en train de lâcher une personne ici. Quitte-la. Quitte-la. Quitte-la au nom de Yeshua. Sors d'elle. Quitte-la comme ça. Voilà. Lâchez-la. Lâchez-la. Lâchez-la. Amène-la-moi. Amène-la-moi là. Amène-la-moi. Amène-la-moi là. C'est un esprit impur. Lâchez-la. Lâchez-la. Lâchez-la. Il ressemble à un chien, mais ce n'est pas un chien. C'est un démon qui envoie toutes sortes de pensées à cette jeune fille. Dieu l'en délivre au nom de Yeshua. Seigneur, merci. Il y a une autre personne qui reçoit une délivrance. Il y a comme quelque chose qui est là au niveau de ta gorge. Et tu sens depuis quelques temps quelque chose au niveau de ta gorge. Comme s'il y a quelque chose qui bouge. Le Seigneur est en train de te rendre libre là où tu es. Dieu pose sa main sur toi. Quitte-la au nom de Yeshua et ne reviens plus jamais. Lâche-la. Sors d'elle. Au nom de Yeshua. Allez, lâche-la. Voilà. Go. On peut acclamer le Seigneur de gloire. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. au nom de Yeshua. Ça sort au niveau de ta gorge, là, ma soeur. Ça sort là. Il y a quelque chose qui est là. On a mis. C'est quelque chose en forme de serpent, mais c'est tout petit comme ça là. C'est un esprit impur. Et il est en train de te lâcher. Maintenant où je parle. Au nom de Yeshua. Allez, quittez! Partez maintenant au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Il y a une autre personne qui est concernée. Tu vois, dans ton dos, tu sens comme s'il y a quelque chose qui marche. Ça quitte ton dos souvent, ça va dans ton ventre. Tu sens la chose se promener dans ton corps. Et tu dis souvent, Seigneur, pourtant ce corps est le temple de ton Saint-Esprit. Je ne veux plus que l'ennemi habite ce corps. Tu as consacré ce corps à Yeshua. Tu l'as consacré à Jésus-Christ de Nazareth, ma sœur. Voici ta délivrance. Cet esprit, n'est-ce pas? Lâche ta vie définitivement. Je veux que tu la lâches. Sors d'elle au nom de Yeshua. Je veux que tu la lâches maintenant. Quitte-la. Quitte-la. Tu es obligé. Tu es obligé. Dieu t'a dévoilé. Tu es obligé de la lâcher définitivement. Au nom de Yeshua. Si, tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Il y a un autre esprit. Ça, là, c'est un esprit qui aime la danse. Ça, c'est comme ça va partir au nom de Yeshua. Oh, my God. Il y a un autre esprit de colère qui est en train de lâcher une personne. C'est un esprit de colère, une personne qui souffre, qui n'arrive pas à contrôler sa colère. Ma soeur, c'est une femme. Le Seigneur te dit, c'est ton jour. Voici ta délivrance. Le démon de colère lâche ta vie maintenant. C'est au niveau de ton âme. Tu as été beaucoup blessé. Tu as été beaucoup blessé. Et il y a l'amertume qui est rentrée en toi. Et ce démon est venu se loger là au niveau de ton âme. Il est en train de te lâcher définitivement. Sors d'elle au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci pour la grâce. Père, merci pour ta fidélité. Ludo, on peut les prendre tous là. Les amener à la pièce là-bas à côté, s'il te plaît. Au nom de Yeshua. Elle aussi, on va la prendre. On va parler avec elle aussi là-bas là. Au nom de Yeshua, Jesus Christ. On va les prendre, on va les aider là-bas. Merci Ludo. Oh Dieu. Dieu, tu es magnifique. Tu es magnifique. Il y a une personne qui est là, on lui a jeté un sort. C'est un sort qu'on a jeté sur sa famille. Au nom de Yeshua. Voilà, c'est une malédiction familiale. Dieu ne me donne pas de précision sur ce que c'est. Mais les esprits qui te possèdent savent qu'ils viennent d'être dévoilés. Cette malédiction familiale fait des dégâts dans ta famille. Et tu cherches la délivrance, tu cherches la guérison, tu cherches la solution à tes problèmes et tu n'arrives pas à être satisfait. Et le Seigneur me dit de te dire, là où tu es, là où tu es, là où tu es, il est en train de te délier totalement. Te délier totalement. Au nom de Yeshua, le Seigneur pose sa main sur ta vie et il te sort de tous ses liens. Il t'arrache de là parce qu'il t'aime. Et au travers de ta vie, beaucoup de gens seront touchés. Au travers de ton témoignage, beaucoup de gens seront touchés. Père, au nom de Yeshua, L'âme est blessée. Au nom de Yeshua. L'âme est blessée. Oh Jésus de Nazareth. Une autre personne que le Seigneur est en train de délivrer des songes, des morts. Toi, tes songes à toi, c'est souvent la mort qui vient. Les personnes décédées depuis quelques temps. Et tu ne veux plus de cela, mais malgré toi, tu continues à les faire. Et Dieu est en train de te détacher de ce monde de mort. Il est en train de te défaire. Oh, l'esprit de mort qui te contrôle est très, très en colère. Très, très en colère. Tu vois, non? Très, très en colère. Et tu te sens bizarre, tu te sens mal. C'est toi, c'est de toi dont il est question. Le Seigneur que je sais, Dieu que je sais, te connaît. Il a vu tes pleurs. Il a entendu le cri de ton cœur. Il te libère de la mort et il te fait expérimenter la puissance de la résurrection afin que tu témoignes de sa grandeur partout où il t'enverra au nom de Yeshua. la mort n'aura plus aucun droit sur toi. La puissance de la mort est brisée ce soir et tu vas témoigner toi-même la gloire de Dieu. Dieu, merci Père pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Oh Dieu. Les personnes qui veulent recevoir Jésus-Christ, venez. Que soit ce que tu fais en ce temps, ne fais pas sans moi, ne le fais pas sans moi. Dieu, quel que soit ce que tu fais en ce temps, de grâce ne le fais pas sans moi. Venez, vous qui voulez de Jésus de Nazareth. Dieu, Dieu, que soit ce que tu fais en ce temps, de grâce ne le fais pas sans moi, ne le fais pas sans moi. Père, que soit ce que tu fais en ce temps, de grâce, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. On peut vraiment acclamer notre Dieu. Alléluia. Pour toutes ces âmes. Alléluia. Oh Dieu est grand. Magnifique le Seigneur. Oh, oh. Dieu a posé sa main sur toi. Tu vas beaucoup le servir dans la jeunesse. Beaucoup de jeunes seront encouragés parce que Dieu a mis en toi. L'ennemi a voulu te récupérer. L'ennemi a voulu te faire faire n'importe quoi. Mais le Seigneur a mis sa main sur toi. Le Seigneur a veillé. Il me dit de te dire qu'il est ton Père. Et il est jaloux de ce qu'il a mis en toi. Il ne veut pas que l'ennemi l'arrache. Tu seras beaucoup entouré d'enfants. Beaucoup d'enfants, je te vois leur donner du lait, leur donner à manger au nom de Yeshua. Oh Père, tu es magnifique. Waouh! Vous voulez tous de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Magnifique le Seigneur. C'est la première fois que tu viens ici? C'est la première fois. Waouh! Vous venez de l'île de la Réunion. C'est la première fois que vous venez. Vous voulez suivre Jésus-Christ. Alléluia. Viens, jeune garçon, viens. Quel âge as-tu? 14 ans. Tu veux suivre Jésus? Waouh. Magnifique le Seigneur. Vous aussi? Waouh, mais Dieu est magnifique. Vous aussi? Oh. Les gens courent vers le Seigneur. Alléluia. Tu veux ça? Alléluia. Ça va? Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Jésus. Oui, oui, oui, oui, oui. Jésus. Oui, oui, oui. Oh, ouais. Oh, bon. Ouais, ouais, ouais, ouais. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Amen. Amen. Yaya. Yaya. Yaya. Dieu. Dieu. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. On force pas. Dieu attire les gens comme ça. Ben, amen, amen. Ben, ben, amen, amen, amen, amen, amen. Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Alléluia. Au revoir. Alléluia. Ouais. Amen. Amen. Papa. Papa. Maman. Papa. Dieu. Dieu. Jésus. Ta mère est où? Amen, amen, amen, amen. Amen, amen. Ok, attends, attends, attends. Quand on a l'onction, maintenant, on ne veut plus lâcher. Cet enfant, on ne va plus le reconnaître. On avait volé son intelligence. Dieu la restaure. Dieu a vu tes pleurs, tes larmes. La puissance de la sorcellerie dans ta famille est brisée et tu vas témoigner la gloire de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia! Mon âme. Mon âme. Souffre. Oh. Dieu est grand. Lève simplement ta main. Prions pour ses frères et sœurs. Seigneur, que cette jeune fille soit libérée. Maintenant, au nom de Yeshua, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre, te restaure pour sa gloire. Au nom de Yeshua. Oh Père, merci. Oh mon Dieu. Soyez fortifiés. Au nom de Yeshua. Nous allons vous voir à la fin pour parler avec vous. Alléluia. Quel âge as-tu, jeune fille? 15 ans. Et tu veux suivre Jésus? Amen. Nous allons vous voir à la fin. Bonjour. Tu vas bien? Comment je t'appelle? Viens. Viens. Lève-toi. Non, t'es timide. Ok. Vous pouvez rentrer. Nous allons vous voir à la fin. Amen. Y a-t-il des personnes qui veulent le baptême aujourd'hui? Levez-vous, vous qui voulez le baptême. Nous allons vous baptiser tout à l'heure. Gloire à Dieu. On va pouvoir te baptiser tout à l'heure, mon frère. Gloire à Dieu. Toi aussi, jeune homme? Le baptême? Tu ne sais pas ce que c'est? D'accord, on va t'expliquer tout à l'heure. D'accord? Ah, mais toi, tu veux Jésus totalement. Ton père est où? Ton père? Hein? D'accord. Dieu l'aime beaucoup. Vous me direz, mais oui, mais Dieu aime tout le monde. Oui, Dieu l'aime beaucoup. Oh, Dieu. Les personnes qui veulent abandonner le péché, levez les mains. Vous voulez abandonner le péché? Venez. On va prier pour vous. Le péché a été vaincu à la croix par Jésus-Christ. Et le Seigneur va vous faire triompher du péché. Vous n'allez pas, si vous restez dans la sanctification, vous n'irez pas en enfer. Si vous restez avec la parole, si vous restez avec Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Dieu veut libérer la jeunesse également du péché. Le roi dans sa beauté. Veux-tu de majesté? Refusez l'enfer. Refusez l'enfer. La terre est dans la joie. Refusez l'enfer. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Dieu tout puissant, que tellement grand, Seigneur, merci. Ces hommes et ces femmes qui ont décidé de dire non au péché. Oh, il n'y a pas plus grand miracle que cela. Lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, lorsque les hommes réalisent que le péché peut les entraîner à la perdition éternelle, c'est une grâce. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont été blessés, d'autres déçus, d'autres découragés. Il y en a encore qui étaient fatigués, malades, qui se sont sentis délaissés, abandonnés, trahis. Je ne sais pas les sentiments qui vous animent. Des sentiments de déception. Tu as été brisé. Tu es reparti certainement en arrière. Et tu as péché. Tu as fait mal à Dieu. Mais aujourd'hui, il ne te condamne pas. Il te dit, mon enfant, tu as pris la bonne décision. Ne laisse plus aucun homme te toucher. Car Dieu, ton Père, est jaloux. Ne laisse plus aucune femme toucher ton corps. Car ton corps appartient à Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu est jaloux de ce qu'il a mis en toi. Il a mis des talents en toi. Tu vois ta famille se déchirer. Tu vois ta vie se briser. Tu vois ton entourage se briser. Et tu te sens seul, incomprise, incompris. Tu te dis, mais à qui, vers qui me tourner? La pensée de la mort t'a frôlé l'esprit. La pensée de la mort est venue. Tue-toi. Tu as eu envie de partir là où personne te connaît, où personne te voit, pour être seul dans ton coin. Mais tu ne pouvais le faire. Tu as vu ta famille se briser, tu as vu ta mère malade, ton père souffrir, tu as vu les pleurs de ta famille et tu en as eu assez. Que tu te dis, je n'en peux plus. À quoi bon vivre? Pourquoi continuer à souffrir comme ça? Pourquoi les autres sont-ils plus heureux que moi? Pourquoi les autres sont-ils plus heureux que moi? Pourquoi? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Et tu as vu que cet homme vers qui tu te tournais ne t'a rien donné. Il t'a trahi, il t'a trompé. Tu as vu cette femme qui t'a déçu. Tu as vu ce prédicateur qui t'a déçu. Tu as vu combien tu t'es tracassé, tu t'es battu pour plaire à cet homme. Mais au lieu de voir tout ce que tu as pu faire, rien, rien. Et tu n'as pas reçu en échange l'amour que tu voulais recevoir. Tu as été tellement brisé que tu te sentis mal, mal dans ton corps, dans ta chair. Comme une épine qui était là, qui te rongeait. Une épine qui est encore là et qui te ronge. Comme un feu qui est en toi, qui brûle, qui te consume. Tu fais des efforts et personne ne le voit. Et tu te dis, est-ce que Dieu peut-il encore m'aimer? Est-ce qu'il peut encore m'aimer? Est-ce qu'il peut encore me pardonner? Est-ce qu'il peut encore, m'accepter tel que je suis? Et l'ennemi vient et te dit, tu es mauvais, tu ne vaux rien, tu es sale. Dieu ne peut pas te pardonner, Dieu ne peut pas. Ça, c'est l'ennemi qui te fait croire cela. Et aujourd'hui, voici l'amour du Père pour toi. Cet amour est tellement grand qu'il te libère de la condamnation. Qu'il te libère de la condamnation de l'ennemi au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh Père, personne ne peut t'aimer comme le Père t'aime. Personne ne peut t'aimer comme le Père t'aime, tu sais. Je t'aime, ma fille. Je t'aime plus que tu ne le crois, plus que tu ne le penses. Je t'aime. Ma fille. Et je te délivre aujourd'hui. Allez, quitte-la. Voilà. Allez, sors de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-la comme ça, la mort. Allez, quitte-la. Quitte-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de serpent. Allez, tu la quittes au nom de Yeshua. Chasse cet esprit, Pasteur Julien. Au nom de Yeshua. Allez, quitte-la. Ces esprits qui vous retenaient. Ces esprits d'impudicité, ces esprits de mensonge, ces esprits de violence, ces esprits de contrôle, ces esprits vous quittent au nom de Yeshua. Vous vomissez ces choses. Tu n'auras plus cette pensée qui te rongeait pour aller voir les hommes, pour aller sur des sites bizarres. Tu n'auras plus ces pensées. Cette jeune fille, Dieu la libère. Jeune fille, voici la délivrance que Dieu t'accorde au nom de Yeshua. Voilà. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Seigneur. Il y en a qui ne voulaient plus recevoir l'amour. Qui ont fermé leur cœur à l'amour parce qu'ils estiment que ce n'est pas possible pour eux. Oh, le Père t'aime. Il y en a, Dieu me montre, qui sont même assis et qui avaient fermé leur cœur à l'amour tellement qu'ils sont blessés, tellement qu'ils sont déçus, tellement qu'ils sont fatigués. L'amour de Dieu est pour toi. Dieu t'a tellement aimé. Il t'appelle sa fille. Il t'appelle sa fille. Son fils. Oh, Père. Oh, Père. Oh, Père. Oh, Père. Oh, Père. Père, merci. Père. Père, je t'aime. Oh. Alors tu vas réaliser qu'à chaque fois que tu pèches, tu blesses le Père. Tu blesses son cœur. Tu ne vas plus pécher volontairement, non parce que tu auras peur d'être frappé par Dieu. Non parce que tu auras peur de l'enfer, mais parce que tu te diras, je l'aime tellement, je refuse désormais de pécher. Parce que le péché le fait pleurer. Tu ne seras plus rebelle à l'ordre du Seigneur. Lorsqu'il va t'appeler pour son service, tu ne vas plus résister. Il te dit, ma fille, je t'appelle depuis quelques temps. À cause des blessures, tu ne veux plus répondre à mon appel. Ma fille, voici ma main sur toi. Voici la guérison que le Père t'accorde. Oh Dieu. Même si tu as l'impression que les gens ne veulent pas écouter, toi, réponds à l'appel du Père. Réponds simplement à son appel. Ne prends pas de décision sans le consulter. Même si cette décision te paraît bonne, ce n'est pas la meilleure solution, te dit le Seigneur. Je suis capable de guérir, de changer. Je suis capable de guérir cet homme, de le transformer. Dieu dit, je suis capable de changer ta vie. Je suis capable de la changer. Cette montagne qui est devant toi, Dieu veut la raser. Dieu veut la raser. Dieu veut l'arracher devant toi, la raser. Il t'appelle, mon frère. Le Seigneur te dit, une grande responsabilité t'attend. Une grande responsabilité. Oh oui. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Ces deux pays ont besoin de l'évangile. La Côte d'Ivoire, le Mali. Dieu dit, tout est possible. Dieu me dit de te dire qu'il va se révéler bientôt à toi sur ta couche. Il va particulièrement te visiter et te dire ce qu'il attend de toi. C'est possible. Il te donne Jérémie 18. Le premier vase n'a pas réussi, mais le deuxième réussira. Au nom de Yeshua. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Le Seigneur te dit qu'il te connaît. Qu'il te connaît, qu'il t'a mis à part pour son service. Il n'a pas fini avec toi. Parfois, Dieu peut paraître tellement loin de toi. Mais le Seigneur me dit de te dire que ce n'est qu'une impression. Il entend tes larmes, les larmes de ton cœur. Il entend tes questions qui peuvent paraître sans réponse. Qui peuvent paraître sans réponse. Le Seigneur te dit qu'il va se révéler. Il va restaurer. Il va rétablir les choses qui paraissent détruites. Afin que son nom soit glorifié, son nom soit magnifié. Le Seigneur est celui qui relève les gens qui sont totalement découragés, abattus, désespérés. Le Seigneur te dit qu'il est la résurrection. Il va restaurer, il va ressusciter des choses cassées. Les années que l'ennemi a dévorées, a volées. Le Seigneur te dit, ma fille, je te connais. Je te connais. Dieu me dit de te dire qu'il t'a confié une charge par rapport aux enfants, par rapport aux jeunes filles. Tu as souvent eu à cœur d'aider les jeunes filles. Le Seigneur te dit qu'il te donnera l'intelligence pour pouvoir leur apporter des conseils. Il te dit, prends courage et fortifie-toi. Au nom de Yeshua, fortifie-toi. Ah, que Dieu vous garde. Soyez fortifiés. Au nom de Yeshua. Amen. Prépare-toi, jeune homme, à l'appel du Seigneur. Prépare-toi. Tu fais du sport? Tu fais du foot? Hein? Bien. Quel âge as-tu? 19 ans. Tu vas être un grand footballeur. Hein? Tu vas aider beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orphelins, de veuves. Souviens-toi du Seigneur, souviens-toi des orphelins et crains Dieu. Parce que les femmes, elles vont tourner de plus en plus. Ah oui, de toutes sortes. Mais crains Dieu. D'accord? Comme tu veux aider ta famille, le Seigneur va trouver des portes. Au nom de Yeshua. Mais ne sois pas une idole. Prêche Jésus. Tu veux le faire? Une porte est ouverte devant lui. Au nom de Yeshua. Amen. Tu verras la fin. Vous pouvez regagner vos places. Ah. Magnifique le Seigneur. Beaucoup sont guéris par le Seigneur. Amen. Dieu est bon. C'est la première fois que tu viens ici, vous venez ici toutes les deux. Alors, c'est pas la première fois. Dieu vous aime beaucoup. Viens, jeune fille. Dieu t'appelle, tu sais. Ça va? Dieu veut essuyer tes larmes. Oui. Il voit ta solitude. Il voit tes combats. Il t'appelle à lui. Afin que tu le rencontres, que tu le serves. Tu as fait des erreurs, mais Dieu te dit qu'il peut te rattraper. D'accord? Pour tout ce qui vit, il y a de l'espérance, de l'espoir. Ah. C'est toi qui l'as invité? Qui c'est qui l'a invité? Avec toi? Ok. Tu connais Jésus? Tu l'as déjà reçu dans ton cœur? D'accord. Oh, est-ce qu'on peut prier pour elle? Il y a beaucoup de souffrance dans son cœur. Dieu veut l'aider. Père, merci. Garde-la, Seigneur. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Le Seigneur me demande de te poser une question. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Je ne sais pas. D'accord. Je te verrai à la fin. D'accord? Qui a reçu une guérison dans son corps aujourd'hui? Qui a reçu une guérison dans son corps? Dieu guérit. est malade. Oh, merci. Y a-t-il une femme ici qui s'appelle Louise, avec qui je n'ai jamais parlé? C'est toi? Viens. Le Seigneur me pose des questions, me donne à poser des questions aux gens. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Je veux qu'il m'utilise. Je veux faire son livre. Waouh. Ma sœur Louise, dont je ne connaissais pas le prénom, veut faire l'œuvre du Seigneur. Bon, on va prier pour elle. Tu veux faire l'œuvre du Seigneur? Tu vas aider les veuves. Beaucoup. Oh, alléluia. Magnifique, le Seigneur. Dieu est bon. C'est bon. Ah. Dieu est bon. J'aime ce repos, cette douceur du Père. Dieu est magnifique. Dans le monde, on gaspille son temps inutilement. Tout est en Christ. Si tu veux t'éclater, viens Jésus. Je veux parler un peu terre à terre. Qui veut s'éclater en Christ? Ah oui. Ça peut vous choquer, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Avec qui vous dit que les chrétiens s'ennuient? Hein? Devant notre Père? Ah non, laisse tomber. Nous chantons, nous adorons, nous parlons. Oh, mais c'est terrible. Pendant que les autres se font exploser dans les boîtes de nuit, nous, nous sommes devant le Père. Waouh. Waouh. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui lui arrive tout ça? Mais moi aussi, je suis comme vous. Moi aussi, quand c'est comme ça, j'attends aussi. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous... Mais c'est comme ça. Waouh. Aimer Dieu, c'est tout ce qu'il y a de bon. Il n'y a rien de... Hein, mon grand? Ton ami... Tu n'avais pas un ami qui avait épousé la sirène de Zo? C'est pas toi? Mami Wata. Il est parti. Il est parti où? Et il est parti où? Je ne sais plus. Je ne le trouve plus maintenant. Il avait épousé Mami Wata. Il avait épousé Mami Wata et puis il a disparu. Terrible. On avait fait sa délivrance, mes amis. Dieu veut essuyer tes larmes. Tu cherches à droite, tu cherches à gauche, je t'appelle. Viens, viens, viens. Hein? T'aimes beaucoup le Seigneur. Et il sait combien tu le cherches. Il veut se manifester dans ta vie. Dieu te voit. Waouh. Même vous qui êtes dehors, là, vous avez soif de Dieu? Vous avez faim de Dieu? Waouh! Le ciel s'assombrit. La soif. La faim de Dieu. On est insatisfait dans nos églises. On n'en peut plus. On veut vivre Dieu. La moisson est là. C'est comme si le Seigneur disait, levez les yeux, regardez le champ qui a blanchi. Allez moissonner. Allez moissonner. Allez moissonner. Allez cueillir les fruits qui sont là, à votre portée. Il y en a qui vont, il y en a qui ne sont ni pasteurs, ni prophètes, mais Dieu va tellement se servir d'eux. Quand le Seigneur va commencer à vous accompagner comme ça, beaucoup diront, est-ce que vous êtes pasteur? Vous direz non. Est-ce que vous êtes prophète? Non, non, pas du tout. Moi-même, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ouvre la bouche et tout le monde se met à crier leur péché. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas. Je parlais simplement devant mon patron et il s'est mis à genoux en train de confesser ses péchés, disant qu'il trompe sa femme depuis 10 ans et tous les collègues sont au courant. Je ne sais pas ce qui va. Mais qu'est-ce qui nous arrive? J'étais à l'école. On avait Géo et puis quelque chose m'a saisi. J'ai crié Alléluia et le professeur était projeté contre le mur et puis il a commencé à écumer. Eh bien, on a appelé les pompiers, mais je leur ai dit ça ne sert à rien parce que justement, ce n'est pas une affaire des pompiers, c'est le professeur est en train de subir une délivrance. Et d'un seul coup, toute la classe a été secouée. Il y a eu comme un vent qui est rentré dans la classe et tout le monde... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas. Le proviseur, je suis rentré dans son bureau parce qu'il m'a convoqué. Eh bien, il s'est mis à crier dans tous les sens. Retire-toi de moi, retire-toi de moi. Je suis un pécheur. Ben, ça s'appelle le réveil qui arrive, frères et sœurs. Ça s'appelle le feu du réveil, frères et sœurs. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne sais pas. Je n'arrête pas de lire la Bible, de me prier, de lire la Bible, tout ça. Et je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Apparemment, je serais dans une secte, mais pourtant, je n'ai pas de gourou. Et je suis seul dans mon coin, mais c'est plus fort que moi. Et ma sœur ne peut plus nous fréquenter alors qu'elle est juste à deux pas. Mais ça s'appelle le réveil. Il y a quelque chose que tu vis qui fait que ben, la lumière prend de l'ampleur et les ténèbres s'en vont. Qu'est-ce qui m'a... Mais je ne sais pas. Mais je sens qu'il faut que j'y aille. Mais pourtant, personne ne m'a appelé. Mais je sens que... Il faut que je sois là à l'heure, même avant. 2 heures à l'avance, il faut que je sois là. Et quand il n'y a pas de train, je me sens mal. J'ai peur d'être idolâtre, mais pourtant, ce n'est pas l'idolâtrie, mais je sens qu'il y a quelque chose. Mais ça s'appelle le feu du réveil, frères et sœurs. Tu es contaminé par le virus qui s'appelle le réveil, derrière lequel il y a le nom de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Ma star préférée. Oui, Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. C'est la star des stars, frères et sœurs. Sa démarche, elle est majestueuse. Hein? Quand il marche, Bouddha, il est à côté. Quand il marche, Simon Kimbang, à côté. Quand il marche, Chora, sur le ventre. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Frère, il est assis sur son trône depuis l'éternité, il ne se fatigue jamais. Jamais il ne se dit, je vais me dégourdir les jambes. Non, il est assis. Et depuis le ciel, le trône, il commande. Il regarde. Il dit, Michael, Satan est en France là-bas. Là. Il est à Paris en ce moment. Satan, oui maître. Que fais-tu là-bas? Ben, je me promenais. Je fréquentais les églises de Paris. As-tu vu là-bas? Oui maître. Il y a un peuple qui se lève pour toi. J'ai essayé de les attaquer par tous les moyens. J'ai envoyé la pauvreté, mais ils sont restés fermes attachés à ta parole. J'ai envoyé la persécution. Ils ne veulent pas céder. J'ai soutenu mes envoyés pour les critiquer sur Internet. Ils ont fait des vidéos. Plus il faut de vidéos, plus ce message prend de l'ampleur. Eh bien, laisse-moi te dire. Il y a un peuple qu'il ne faut jamais attaquer. Il y a un peuple qui, quand on les attaques sont comme des vitamines. Parce que ce peuple est comme une pâte. La pâte, frère. Oh mon Dieu, cette pâte prend du volume. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. La maison de David allait de plus en plus en s'agrandissant. Et la maison de Saül en s'affaiblissant. pu le tuer. J'entends bien leur voix. Mais quand je vais chez eux, ils sont invisibles. Mais n'as-tu pas lu dans ma parole qu'il est écrit que celui qui est en moi est invisible, qu'ils sont ressuscités et assis dans les cieux. Écoute. Tu es assis là-haut. Ça veut dire que tu n'as plus peur, tu n'as plus à avoir peur de la mort. Tu n'as plus à avoir peur du célibat, toi qui n'es pas encore marié. Parce que tu commandes depuis le trône du ciel. C'est comme si tu es dans un laboratoire. Tu es dans une cabine, n'est-ce pas? Alléluia, où il y a le pilote du navire. Et toi, tu es assis sur le même, alléluia, fauteuil que le pilote du navire. Il y a plein de boutons qui commandent le navire. Et le navire en question, vous savez ce que c'est? La terre. Nous volons autour du soleil à 5000 km à l'heure. Et celui qui est assis sur le trône qui conduit ce navire, la frère et soeur, c'est notre père. Satan, il fait semblant. Et tu es là et tu appuies sur le bouton. Et le père te dit, va en France, appuie sur le bouton. Quand tu appuies sur le bouton, la frère, la délivrance arrive. C'est pour cela, n'accepte aucun autre trône que le trône du Père. Tu es déjà ressuscité. Quand Satan te cherchera sous terre, tu n'y es pas. S'il te cherche dans ta famille, tu n'y es plus. Ta famille biologique, oh my God, alléluia, contanda para laïta. Dans les liens ancestraux, tu n'y te trouves plus. Tu n'y es plus parce que tu es ressuscité, arraché de l'enfer. Non seulement que tu es arraché de l'enfer, il ne t'a pas laissé sur terre, il t'a pris. Tu as défié la loi de la gravitation, de la pesanteur. Tu es monté, tu es sorti de la terre. Tu as traversé les étoiles. Telle une fusée spirituelle. Donc quand ton père dit que tu n'es plus dans son cercle, c'est normal. Parce que tu n'es plus dans le cercle familial. Tu as été arraché de là. C'est pour cela que le maître a dit, nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Frère, tu es de la maison de Dieu, mon frère et ma soeur. Tu n'es pas, oh mon Dieu, ils te feront la guerre, c'est écrit. Il faut qu'ils te fassent la guerre parce qu'il y a quelque chose de fort en toi. On ne peut que combattre celui qui brille. On ne peut que combattre celui qui brille, celui qui a reçu la semence de Dieu. Des paroles prophétiques. Fils de l'homme prophétise, voilà ce que le Père me dit. Déclare ma parole à mon peuple. Fils de l'homme, ces ossements desséchés pourront-ils revivre? Oh oui, les déomantarakashaka. Ossements desséchés, entendez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Recevez la parole du siècle. Recevez le message du temps. Ma fille, mon fils, ces os pourront-ils revivre? Les os de ta famille, les ossements de ta famille vont revivre. Parce que je t'ai amené dans cette vallée desséchée, où il y a des ossements desséchés. Tu n'as qu'à prophétiser. Ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. La parole de Dieu peut être écoutée par les squelettes. Les ossements desséchés, même s'ils n'ont plus d'oreilles, ils peuvent quand même écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'a pas besoin d'oreilles pour toucher les cœurs. La parole est spirituelle. Dieu est esprit. Toi, parle simplement. Et les ossements vont obéir à la parole de Dieu. Fils de l'homme, la France peut-elle être libérée? L'Europe, le Maghreb, avec l'islam, je te dis, les ossements desséchés. Écoutez la parole de Dieu. Là où il y a les musulmans, le réveil peut venir. Là où il y a les bouddhistes, le réveil peut souffler. Jésus peut être glorifié. Oh, alléluia. Je vous dis, ce réveil va secouer les cœurs, va secouer les vies. Toi, ton problème, ce n'est pas de raisonner, c'est de parler. Dieu ne t'a pas dit de raisonner, de réfléchir. Ce n'est pas toi qui as les solutions pour ces problèmes, pour ces personnes. Tu n'as qu'à parler. Parle et tu verras les choses se matérialiser. Tu dois parler. Parle, parle ma fille, parle mon fils. Parle pour ton île, parle pour ton pays. Parle pour Cayenne, parle pour la France. Parle pour les cités. Parle pour ton roi. Parle. Parle pour ton président, parle pour les autorités, parle. Pour ton église locale, le réveil peut la secouer. Si tu parles, les anciens peuvent recevoir le message du temps. Parce que Dieu t'a établi là-bas comme, une, comme un flambeau. Comme un flambeau. Jesus Christ. Oh, ce n'est pas une question d'âge. Dieu se sert des bébés et des vieilles personnes. Dieu se sert de n'importe qui dit que tout, qui croit que tout est possible à celui qui croit. Dieu va parler au vent, il va parler à la tempête qui te menace, il va parler aux animaux qui te menacent, il va parler aux démons qui te menacent, il va parler aux sorciers qui te menacent, il va parler aux gens qui te critiquent. Dieu va faire taire leurs critiques parce qu'il a commencé une œuvre avec toi. Tant que tu te sanctifieras, Dieu ne va jamais te décevoir. Parce que s'il te déçoit, il ne sera plus Dieu. Et comme il ne peut cesser d'être Dieu, il est Dieu, il a toujours été Dieu, il sera Dieu. Il n'a pas de commencement de vie, il n'aura pas de fin de vie. Il est le Melchisédek, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est la lumière des nations, l'étoile brillante du matin, l'eau de vie, la résurrection. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Celui qui peut t'arrêter n'est pas encore né. Celui qui peut te tuer n'est pas encore né. Celui qui peut arrêter ton appel n'est pas encore né. Celui qui va t'enterrer n'est pas encore né. Ils vont creuser des tombes, mais c'est eux-mêmes qui vont rentrer dans ces tombeaux, parce que Jésus n'est plus dans la tombe. Aujourd'hui, tu vas recevoir ces rouleaux. Tu vas recevoir ces rouleaux prophétiques. Tu vas recevoir toutes ces paroles. Tu vas être fortifié, encouragé. Dieu va encore t'établir dans ta vie spirituelle. Il va encore confirmer ton appel. Il va encore confirmer la grâce qu'il t'a confiée. La mission qu'il t'a confiée. Il va encore la confirmer ce soir. Shalalabarabara, shalalabakaraba, shakarabaka. Shalalabakaraba, shakarabaka. Nous sommes des producteurs de preuves. Dieu t'a sauvé. Il t'a dit, va maintenant. Va leur démontrer la véracité de ma puissance, de mon royaume. Il a dit, allez et libérez les malades. Guérissez les malades. Libérez les prisonniers. Voilà la mission que tu as reçue, Église. Va et fais de toutes les nations des disciples. Va. Tu es un faiseur de disciples. Oh my God. Oh my God. Pour tes parents, ils peuvent revenir encore ensemble. Si toi tu te lèves et tu parles aux démons de divorce, si toi tu te lèves et tu dis divorce, écoute-moi bien, je suis une princesse de Yahvé, je suis une princesse de Yahvé, tu dois écouter la parole que je te dis, que je te donne au nom de Yeshua, je commande. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu me dit de vous dire, mon peuple, le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Dieu te met, te transporte sur une vallée, comme dans Ézéchiel 37. Il te montre ces ossements desséchés qui peuvent représenter la situation, n'est-ce pas, de tes parents. Une maladie, un problème qui paraît insurmontable. Et Dieu te pose la question, est-ce que c'est possible? Le problème, ce n'est pas Dieu. Tu as compris qu'il revient nous chercher. Maintenant, avant qu'on ne parte, Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu attend que tu fasses ses exploits avec lui. Dieu attend de toi cela. Voilà pourquoi ne regarde plus à ta taille, à ton âge, à ta couleur. Ne regarde plus à ton sexe. Regarde à la grandeur de celui qui t'a appelé. Ne te focalise pas sur ton problème, mais focalise-toi sur la grandeur de ton Dieu. Parce que devant la grandeur de notre Dieu, tout problème paraît petit. Devant la grandeur de Dieu, toute maladie est brisée. Devant la grandeur de la... Oh my God! Jesus, c'est pour cela que tu vas marcher sur le péché. Tu vas marcher sur le péché. Tu vas marcher sur la dépression. Tu vas marcher sur la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es plus condamné. Laisse les gens faire des réunions contre toi. Ils sont en train de préparer ton élévation. Laisse les gens s'unir, se mettre ensemble. Laisse les gens s'unir. Oh, Dieu va confondre leur unité. il revient chercher une race, la race élue, un peuple acquis. Je suis acquis, tu es acquis par le sang de l'agneau qui parle mieux que le sang d'Abel. Si ton oncle vient te chercher, tu ne seras plus visible. Si ton grand-père vient te chercher, tu n'es plus visible parce que tu es sorti de la malédiction familiale. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il a éliminé en le clouant à la croix. Oh, oh, regarde le feu que tu as le feu, tu es enflammé, tu as le feu, ne l'éteins plus, garde le feu et embrase les forêts, embrase les maisons, embrase les sorciers au nom de Yeshua. Tu vois, tu es enflammé, tu es enflammé, tu as le feu. Dieu t'enflamme, mon frère. Dieu t'enflamme, ma soeur. Oh oui, le feu du réveil. Vous allez voir des jeunes filles se lever, prophétiser. Des jeunes filles se lever dans les trains, parler, prophétiser la parole de Dieu. Prophétiser le retour de Jésus. Vous allez entendre des bébés se mettre à parler de la part du Seigneur. Vous allez entendre des gens de toute race parler de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Quand tu t'es converti, tu te rappelles comment tu avais le feu? Eh bien, tu vas retrouver cette flamme. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Tu vas retrouver cette flamme. Tu vas la retrouver, jeune fille. Tu vas la retrouver au nom de Yeshua. On a voulu t'éteindre en te disant tais-toi, tais-toi. Dieu te dit c'est fini ça. Tu ne vas plus écouter. C'est fini. Écoutez les gens. Tu vas te lever et me servir désormais au nom de Yeshua. Oh, la nuée de Dieu va t'accompagner, ma soeur, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Comme Dieu a dirigé les enfants d'Israël, Dieu veut diriger de plus en plus ta vie. Il entend tes pleurs, il entend tes cris, tes larmes, au nom de Yeshua. Oh, viens, viens, viens, viens. Dieu est grand. Ouais, viens aussi. Waouh. Regarde, là où tu avais mal, fais des mouvements, fais des gestes que tu ne pouvais plus faire. Faites-le. Faites-le. La cheville. Jesus. Ah. Vous pensez que Dieu peut le guérir là? Bougez, bougez, bougez. Aidez-la. Jesus. Oh, alléluia. Aidez-la. Amène-la. Amène-la encore. Jesus. Pour Cayenne. Alléluia. Jesus Christ. Dieu t'aime. Il veut accomplir ses plans, ses projets dans ta vie. Il est ton époux. Il est ton époux. Il me dit de te dire qu'il va libérer cette famille que l'ennemi cherche à condamner, à briser. Cette famille qui pleure, qui souffre, la tienne. Dieu amène la restauration. Dieu amène l'unité au nom de Yeshua. Oh, bougez, bougez. Si vous avez la guérison, la cheville. Depuis combien de temps tu souffres de ça? 7 ans. 7 ans. Amenez-moi une chaise là. On a presque fini, hein. Viens t'asseoir ici, mon frère. 7 ans. 7, c'est la perfection, hein. Vous pensez que Dieu peut le guérir là? Oh, Dieu. Vous voulez lire sans lunettes? Qui veut se débarrasser de ses lunettes? Jesus. Jesus. Oh, il est bon. Dieu est bon. Lève-toi, frère. Comment tu te sens là? Oui, ça va. C'est bon? C'est bon? Viens t'asseoir. C'était un grand musicien congolais. Dieu est en train de le sauver. C'est un grand musicien. Dieu sauve tout le monde. Je peux témoigner un peu? Je peux dire qui tu commandes? Yulu. Yulu Mabiala. C'est un grand musicien. Vous vous rappelez, non? Mais voilà. Le Seigneur, il a chanté avec Luambo Makiadi. Franco, voilà. Ben voilà, Dieu est en train de faire de grandes choses dans sa vie. Jesus. Dieu, je t'adore. Oh Dieu, de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dignes-tu, agneau de Dieu? Dignes-tu, s'occupe de lui comme d'habitude. Dieu s'occupe de lui. Il y a une personne qui se pique à cause du diabète. Viens. Venez, même si vous êtes 3-4, c'est pas grave, c'est un esprit. Il y a une personne dont le foie est malade. Le foie, son foie est malade. C'est toi? C'est qui? Foi. Ouais. Merci Seigneur. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Il y a une personne, une femme qui souffre beaucoup de sciatique ici. Le nerf sciatique. Non, pas vous là. Venez. Vous venez souvent au programme là. Le Seigneur vous guérit déjà dans les choses. Là, vous avez mal présentement là. Dans la jambe, là, tout de suite. Oui, dans la jambe gauche. Waouh. Elle peut être guérie par le Seigneur? C'est possible ça? Venez. Jésus. Faites ça. Jésus. Hein? Hein? Super bien. Ça va là? Plus rien. Non. Waouh! Jésus est trop fort, hein? Suivez-moi. Alléluia! Jésus fait des miracles. Ah oui, ça marche. Ah ouais. Sciatique aussi. Waouh, l'os s'est déplacé avec l'opération. Ouh là là là là. Dieu s'occupe de lui, vous inquiétez pas. Ben oui, on sait comment ça marche. On prie, quand il te dit laisse, on passe à autre chose. L'os s'est déplacé, on a dit que sans l'opération, il n'y a rien. Nous allons prier que notre Père, le Père lui-même, que l'ossement desséché. Écoute la parole de Dieu. Alléluia. Qui croit que cet os la peut obéir? Jesus. Oh Seigneur, oh Père, ma soeur, papa, que les médecins soient étonnés de ce miracle. Seigneur, oh Père, ma soeur, qu'elle soit complètement délivrée, guérie, restaurée au nom de Yeshua pour la gloire de ton Saint-Nom, mon Dieu. Os, mets-toi à ta place, regagne ta place au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Jesus, tu vas nous donner des nouvelles là au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Ben oui. Ben oui. Tu veux témoigner de la gloire de Dieu? Je peux ouvrir? Ah! Nous voulons des preuves médicales. Bon, on va laisser témoigner d'abord. Là. En fait, c'est ma soeur qui est en Martinique et je lui ai demandé de suivre un message qu'il a donné. Et elle a mis en pratique. Donc, elle était atteinte d'un cancer, le papillomavirus, cancer de l'utérus. Et le frère avait... Le message disait qu'il ne fallait pas laisser les médecins nous charcuter et tout ça. Donc, je lui ai demandé de regarder le message. Elle m'a dit... Enfin, elle a eu l'occasion de regarder d'autres messages. Et elle me disait, non, c'est trop long et tout ça. Je lui ai dit, ne regarde pas à la longueur, mais va voir l'information, va vers l'information et tout ça. Et puis, il disait... je lui ai dit, oui, le frère disait de la part de Dieu que le plus souvent, les médecins, ce sont des francs-maçons, ils font des sacrifices et tout ça. Bon. Et effectivement, il a demandé de mettre ta foi en action, mais de ne surtout pas laisser les médecins t'ouvrir tout ça. Donc, elle a eu le temps de voir l'anesthésiste. Elle a eu le temps de prendre son rendez-vous et tout ça. Et quand elle est arrivée pour l'opération, elle a dit au médecin, aujourd'hui, ne touchez pas. Et je vous dis que le médecin était très furieux, il n'était pas content. Ma soeur lui a dit, il a commencé par dire, écoutez, madame, vous êtes dans un état critique et tout ça, parce qu'elle est déjà, elle était déjà quand même à un stade avancé. Donc, voilà. Normalement, c'est 82, elle était là. 58. Très avancé. Voilà. Donc, elle a refusé catégoriquement. Voilà le... Détection, là c'est la détection et génotypage du papillomavirus bio. Voilà. Et, voilà. Donc après, elle a dit au médecin, non, le seul truc que j'accepte, parce que je dois partir en vacances, j'ai déjà pris mes billets, et je suis sûre que ma fille ne retournera pas au deuxième tour du bac. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elle a pris son billet et elle a dit au médecin, si vous voulez, avant de partir, j'accepte de faire une biopsie pour vous faire savoir que Dieu m'a guéri. Et effectivement. Et là, c'est. Voilà, les glandes normales, limite saine. Les glandes endocervicales sont normales. À distance, sans être touchée. Elle a simplement mis sa foi en action. Oh mon Dieu! Donc là, c'est le courrier qu'elle a envoyé. Je remets ça. Il fait une publicité. Pour Jésus. Non, mais vous voyez ça. Mais regardez-moi ça. Les papillons, je ne sais pas quoi. Les papillons se sont envolés, frères et sœurs. Alléluia! Jésus est trop fort! Alléluia! Je voudrais dire à chacun, effectivement, de ne pas vous laisser charcuter. Consultez Dieu. Ce matin, je suis allée voir le médecin qui m'a dit que je suis en dépression. On m'a donné l'exomil et puis bon, quelque chose d'autre. Et apparemment, j'ai un kyste au cou et des plusieurs nodules. Mais je fais confiance à Dieu et je reviendrai témoigner. Lève tes mains un peu là. Oh Dieu d'Israël, au nom de Jésus de Nazareth, que ce Christ disparaisse au nom de Jésus. Va faire des examens et reviens témoigner la gloire de Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Le cancer a dit, je m'en vais. Je me sauve. Attendez quand même, mes amis. Elle est en Martinique. Vous savez, dans la Bible, le Seigneur devait aller guérir un officier qui était malade. Le centenier auquel était attaché cet officier dit au Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement, et mon serviteur sera. Est-ce qu'il a dit, dis un discours, la théologie, paye la dîme, dis seulement à. Qui veut avoir. Non, c'est bon, vous l'avez déjà. Alléluia. Oh Seigneur. Quel témoignage. Moi, écoutez, on a presque fini, mais je suis dans la. Vous voyez ce que Dieu fait? Gratuitement. Pas d'offrande bizarre. Le seul nom. Le seul nom. Il t'a guéri, non? Ah! Oh! Mon grand! Jesus Christ! Jesus Christ! Hallelujah! Il était comme toi. AVC. Hein? J'ai appris, oh le frère là-bas, c'est pas mon problème. Je sais que son papa, qui est mon père aussi, va s'en occuper. Et papa s'en est occupé. Ah! La foi. Est-ce que tu as payé une offrande? Rien. Je n'ai pas, même pas payé. Je suis guéri. La foi. Il m'a guéri. Monsieur et moi, on est la même chose. Mais la foi que j'ai, il est dépassé. Il est dépassé. Et il va te rattraper. Oui. Il va me rattraper. Rattraper. Tu sais quoi? Est-ce que tu peux prier aussi pour lui? Jesus Christ. Alléluia. Oh. Dieu est Dieu. Il était dans un état terrible. Il n'y a pas eu une position des mains. Prenez possession de la guérison. Dis à ton voisin, je saisis le temps. Je saisis la guérison. Je saisis Jésus. Le pan de sa robe. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je témoignerai. Le nom de Jésus. Partout. Mes ennemis tomberont au nom de Jésus. Je suis du ciel. Je suis céleste. Dieu est mon Père. Je ne suis pas dans une religion. J'appartiens au ciel. Je suis un sacrificateur. Dieu m'a établi roi et sacrificateur. Je ne dépends plus des hommes. Jésus est mon chemin. Jésus est ma vérité. Jésus est ma vie. Jésus de Nazareth est le Dieu Tout-Puissant. Et ce soir, j'invoque son nom sur ma vie, ma famille. Ce soir, je confesse devant le trône que je suis fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Je marche par la foi. Je marche par la foi. Père, me voici avec ma famille pour te servir, pour t'adorer, pour t'élever, pour te magnifier. Je renonce au péché. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce aux démons. Je renonce à l'incrédulité. Je renonce à la cupidité. Je fonce. Je marche vers le ciel. Je marche. Je ne m'arrêterai pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis la lumière du monde. Le sel de la terre. J'ai un seul pasteur. Son nom c'est Jésus. J'ai un seul Dieu. Son nom c'est Jésus. J'ai un seul Père. Le Père de Jésus. J'ai un seul Dieu. Adonai. Elohenu. Elohim. L'Éternel. El Shaddai. El Elyon. C'est Jésus. C'est Jésus. De Nazareth. De Nazareth. Il revient. Il revient. Il revient. Acclame-le. Acclame-le. Acclame-le. Jesus. Jesus. Sois guéri, ma soeur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levons-nous, prions, adorons-le. Adorons-le. Prie pour ta famille maintenant, prie. Prie pour tes parents. Le Seigneur t'aime beaucoup. Il te dit, fortifie-toi, mon enfant. Le chemin n'est pas facile. Il y a beaucoup de combats, beaucoup de ruses. Le Seigneur te dit, je te fortifie. Fortifie-toi dans ma parole. Et Dieu va guérir ta famille. Dieu va guérir ta famille, c'est ce qu'il me dit de te dire. Il est la guérison. Il est la guérison. Tu verras la guérison de ta famille et tu te mèneras sa gloire au nom de Yeshua. Prie pour la famille, prie, prions. Prions ensemble. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la France soit touchée. Que la France soit visitée, Seigneur. Visite la France, mon Dieu. Nous bénissons notre président. Nous bénissons les policiers, les gendarmes, les autorités. Nous prions pour les maires, pour les préfets. Seigneur, nous bénissons les députés, les sénateurs. Nous prions pour les pasteurs. Nous prions pour les diacres, les anciens. Nous prions pour les pasteurs qui te cherchent. Révèle-toi à eux, Seigneur. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Prions pour le président. Prions pour les maires. Prions pour les préfets. Prions pour les policiers et les gendarmes. Bénissons-les. Que Dieu les garde. Au nom de Jésus. Prie pour tous les pasteurs que tu connais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, garde-les. Garde-les, Seigneur. Bénis-les, mon Dieu. Que ta main soit sur leur vie, Seigneur, papa. Garde-les sous l'ombre de tes ailes, mon Dieu, mon roi. Prie pour ton assemblée locale. Prie pour les anciens de ton assemblée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Le Père te choisit. Oh, mon Dieu, voici sa présence sur toi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Nous prions pour la RDC également. Il y a des millions de morts là-bas. Nous prions pour l'Égypte. Souviens-toi de l'Égypte, mon Dieu. Seigneur, au nom de Yeshua. Nous prions pour les pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Liban, l'Arabie Saoudite. Nous prions, Seigneur, pour les pays musulmans, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu as un peuple dans ces pays. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de chacun d'eux, mon Dieu. Père, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Souviens-toi d'eux, Seigneur mon Dieu. Mon frère Tché. Au nom de Yeshua. Amen. On a presque fini. Vous pouvez prendre place. Tché, où? Accorde-nous encore quelques minutes, juste quelques minutes, on a presque fini. Dieu est bon. Notre frère rentre à Brazza bientôt, au Congo, bientôt pour aussi le Seigneur. Hein. Et il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Les papiers sont sortis, non? Annonce-nous un peu, c'est toi qui les as. Alléluia. C'est pour vous expliquer tout simplement que les papiers de TV de vie est sorti. Donc on a tous les papiers. Ce qui nous manque tout simplement, c'est le metteur l'antenne. Donc quand on va le réceptionner, et alors là, vraiment, on va commencer à émettre des vidéos et des directs qui vont passer de Brazza à Kinshasa. Amen. Donc là-bas aussi, par rapport aux assemblées, tout ça, bon, on les a donné l'autonomie. Amen. Pour que chacun soit libre. Et entre-temps, il y a d'autres assemblées. En fait, pas à une cellule, en fait, c'est l'endroit là où on se réunit tout simplement tous les week-ends pour partager la parole. Et je vous dis ce qui est vrai, c'est que chaque lundi, il y a des hommes plutôt et des femmes, des jeunes garçons, des jeunes sœurs qui se font baptiser pour que le nom de Jésus soit élevé. Mais c'est pas facile. C'est tellement chargé là-bas, c'est pas facile. Donc on a vraiment besoin de vos prières et de nous aider vraiment dans vos prières parce que c'est pas évident. Amen. Je vous dis sincèrement, le coin est tellement gâté qu'on a besoin vraiment des prières. Vous voyez, vous avez toute une population, au moins de 4 millions, qui ne maîtrise pas vraiment la vérité. Et quand on enseigne la vérité, ce n'est pas facile parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui passent derrière pour épier cette vérité-là. On ne veut pas que les gens puissent se repentir, puissent se convertir avec sincérité de cœur. Amen. Et c'est ça la difficulté. Mais entre-temps, Dieu nous fait grâce parce que la vérité avance toujours. Amen. Donc, vraiment, soutenez-nous là-bas. Là où vous êtes, chez vous, dans vos maisons, vraiment priez pour ce pays-là, afin que les hommes, que des femmes, que ce soit politique et tout ça, soient touchés. Parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une grande population, mais les gens ne sont pas convertis. Que ce soit même ceux qui prêchent la parole de Dieu. Parce qu'on ne prêche que l'argent là-bas. Je fais 2 mois là-bas, et je répare même la semaine prochaine, mais ce n'est pas facile. Amen. Donc les gens ont du mal. Et c'est pour cela qu'on a besoin des uns et des autres par rapport à la prière, par rapport au jeûne. Si Dieu vous conduit vraiment pour jeûner pour ce pays, jeûnez vraiment. Parce que je sais que si Brazzaville est touché à fond, Kinshasa sera touché, et les autres pays aussi vont être touchés. Amen. Donc on prie aussi pour cette télé-là, parce qu'on a trouvé un local, là où on doit mettre la télé. Mais c'est les 2 choses qui nous manquent. Donc, on a vraiment besoin que vous puissiez nous conduire dans la prière pour que le Seigneur nous ouvre encore les portes là-bas. Nous ne travaillons pas pour l'argent. Non, on ne travaille pas pour l'argent. Mais nous croyons et nous savons que Dieu va nous aider afin que cette chaîne de télé puisse émettre à Brazzaville. Il y en a des chaînes au Congo, je vous dis, il y en a même 40 chaînes chrétiennes. Mais ça donne envie de pleurer. Amen. Donc, on est obligé de passer par des chaînes privées qui sont des chaînes des païens pour annoncer l'évangile. Mais entre-temps, quand on quitte de là-bas et derrière, je vous dis, pour la dîme, on a même envie d'égorger notre frère. Amen. Et je pense que vous avez suivi peut-être une des vidéos ici, mais ce n'était pas facile parce qu'après lui, ça chargeait derrière. Mais Dieu est bon parce que plusieurs ont compris, plusieurs avancent, plusieurs ont envie de comprendre. Amen. Donc, aidez-nous par vos prières, par vos enseignements même ici, si vous pouvez envoyer même là-bas, ça nous ferait plaisir. Amen. De les faire passer donc, au travers des chaînes privées. Que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse vous bénir aussi et vous fortifier. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Merci. Merci, Tché. Donc, tu repars là. Viens. Et tu repars la semaine prochaine définitivement. Disons, mercredi, oui. Pas définitivement, mais... Oh, je me ressource un peu. Est-ce qu'on peut, on peut quand même la présenter ou pas là, ou comment? En octobre, hein? Parce qu'en fait aussi, il va se marier bientôt. Voilà. Voilà, c'est les sœurs, je suis désolé, hein, celles qui pensaient qu'il y avait encore la possibilité de... C'est mal, c'est fini. Nous voulons recevoir les personnes, les gens qui sont venus de... Donc Fabrice et Sonia qui sont venus de Montauban quand même, avec joie, avec les enfants. Soyez les bienvenus chez vous. Et voilà, donc on est vraiment dans la joie et de vous voir, de vous avoir avec nous. Également Bruno Souris qui nous vient du Havre. Hein. Ça m'a fait vraiment plaisir avec Catherine, tout ça qui est là également. Ça fait plaisir de vous voir. Et voilà. Donc cette jeune sœur a reçu une vision terrible. Et je voudrais plutôt qu'elle vienne avec moi à l'émission sur TV de Vie lundi. Et pour qu'elle en parle, parce que c'est long. Et c'est possible pour les parents qui... Est-ce que vous pouvez l'amener lundi soir afin qu'elle témoigne de ce qu'elle a reçu du Seigneur, n'est-ce pas? Donc voilà, donc connectez-vous sur TV de Vie ce lundi. Et vous allez écouter son témoignage, c'est fort. Elle a vu des gens partir en enfer, d'autres au ciel. Et c'est beau ce que Dieu fait. Je sais que vous avez soif, mais on veut garder ça pour lundi. D'accord? Voilà. Hein? Voilà, donc il n'y a pas de problème. Et je voudrais, avant vraiment de vous libérer, excusez-moi, vous n'êtes pas en prison, je voudrais dire ceci. Je le dis déjà samedi dernier. Il y en a peut-être qui ne me comprennent plus. Mais surtout les frères et sœurs qui ont été formés dans ce ministère depuis quelques années, vous avez fait plusieurs assemblées. Souvenez-vous d'où vous êtes sortis. Combien des pasteurs que vous connaissez qui ont implanté des églises et qui leur ont donné l'autonomie. Depuis que je sers Dieu, j'ai vu seulement Paul le faire dans Acte 20 avec les anciens de l'église d'Éphèse. Le retour à la parole, c'est le retour à tout ce qui est écrit. Tout ce que nous devons appliquer, pratiquer, et pas seulement aux choses qui nous intéressent. L'Église est une famille. Les gens se convertissent. Ceux qui sont dehors, s'il vous plaît, je sais qu'on a presque fini, mais écoutez un peu. L'Église est une famille. Les gens naissent en Christ. Ils grandissent avec les enseignements qu'ils reçoivent. Quand ils atteignent l'âge de fonder leur famille, leur foyer, il faut un bon père et celui qui est en mesure de dire à ses enfants, vous avez reçu, allez maintenant fonder vos foyers. Et cela ne veut pas dire que les enfants qui partent de leurs parents, l'homme quittera son père et sa mère, c'est écrit, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas pour autant que les enfants sont divisés ou sont, non, avec les parents. C'est ça la vision de l'Église. Les églises sont implantées. Il faut arriver à dire aux frères et sœurs, vous êtes autonomes. Allez et suivez les directives du Seigneur en fonction des villes où Dieu vous a établi, parce que les réalités ne sont pas les mêmes partout. D'accord? Et puis les gens, ils vont travailler localement de manière autonome. S'ils ont besoin des conseils, on leur donne des conseils. Maintenant, le piège qui guette beaucoup des ministères, que Dieu a appelé pour le réveil, pour implanter des églises ici et là, le piège c'est de refuser l'autonomie aux gens, de le maintenir sous leur autorité prophétique ou apostolique. Vous savez pourquoi beaucoup ne veulent pas donner l'autonomie? Parce qu'ils comptent sur ces églises pour avoir de l'argent. Donc chacune de ces églises envoie de l'argent à l'église mère et ça rentre dans la poche du visionnaire. Et les gens qui l'entourent et ils partagent le butin. Moi, je ne veux pas de ça. Vous êtes venus à l'époque me rejoindre dans la vision que j'avais avant en tant que pasteur. Frères et sœurs, écoutez bien. Je refuse d'être le pape de quelqu'un. Et à chaque degré, à chaque niveau de la marche chrétienne, Dieu nous demande certains sacrifices. certaines consécrations. Et personnellement, j'obéirai toujours à ce que Dieu me demandera. Cela ne m'empêche pas d'écouter les avis, les conseils des frères et sœurs, si ces conseils cadrent avec la parole de Dieu, premièrement, et avec ce que Dieu me dit dans le coulisses. Ceux qui me connaissent un peu depuis quelques années savent que, personnellement, malgré les différents combats qu'on a eus, j'ai toujours voulu obéir au Seigneur. Et à chaque fois qu'on a obéi, on a vu les fruits. Donc, la formation que beaucoup ont reçue, notamment les dirigeants des églises qui sont aussi dans la province, qui m'entendent, qui me suivent ce soir, la formation que vous avez reçue ici, si je devais vous taxer financièrement, je serais devenu très riche. Parce que quand vous allez dans les autres assemblées, des formations bibliques, la formation biblique est payante. C'est 600 euros, 1000 euros, un mois, un an. Ça dépend des assemblées. Et vous êtes au courant de ces choses-là. Si je devais vous demander de l'argent pour la formation que je vous ai donnée, matin, midi, soir, j'allais m'enrichir énormément. Donc, on a donné la parole gratuitement, de mon temps, de ma vie. Et Dieu dit, donne à chaque assemblée l'autonomie, à chaque ministère. Cela n'empêche pas que si dans l'assemblée intelle, il y a un programme où Dieu est glorifié, si Dieu me dit, va et encourage-les, soyez encouragés, il n'y a pas de problème. On peut s'encourager, on peut s'appeler, mais Dieu m'a dit ceci, crie, je te veux seulement dans le cri, crie. À trois reprises, il m'a dit, prie, crie. Rappelez-vous, ceux qui sont là depuis quelques temps, il y a quelques temps, Dieu m'avait dit que si je continuais dans les sentiments, il allait arrêter mon ministère. Parce qu'on ne peut pas tout vous dire devant. Il y a la pression du peuple, il y a la pression du Seigneur et il y a la pression de l'ennemi. Je préfère céder à la demande du Seigneur. C'est-à-dire, il me dit « crie, je crie ». Il me dit « fais des programmes de réveil comme on a commencé depuis mars 2012 ». Et s'il me dit « arrête ce programme, passe à autre chose », je le ferai. Il me dit « fais des programmes de réveil comme on fait ici, on voit les fruits ». Depuis qu'on a commencé ce programme de réveil depuis mars 2012, on ne peut même pas compter le nombre de personnes conversées, le nombre de personnes baptisées. Et on a annoncé le projet d'achat des locaux pour Didasco. Et ça fait 11 mois. Combien de mois depuis qu'on a lancé ce projet d'achat? 11 mois à peu près. Depuis qu'on a donné l'autonomie, 11 mois de programme de comment on a lancé ce programme de projet d'achat pour ces locaux. Et les frères et sœurs d'ici et là, qui sont touchés par le message, ont cotisé, envoient des dons par PayPal. Et on a récolté combien, David? 80 000 euros aujourd'hui en 11 mois par rapport à l'achat des logos. On peut vraiment acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que les choses soient comprises. Pourquoi? Parce que de temps à autre, c'est bien de mettre un peu les choses, d'expliquer, d'éclaircir un peu les choses. Afin que vous ayez tout l'éclairage, parce qu'il n'y a pas que vous qui êtes ici. Il y a les gens qui nous suivent depuis le monde entier et ils ont besoin d'entendre. Ils ont lancé un projet d'achat, ils n'en parlent plus. Il y en a qui disent, mais oui, mes frères, si tu donnes là, tu dis aux gens combien il y a sur le compte par rapport à l'achat, beaucoup vont demander l'argent, donc ne dis pas. Je leur dis, non, je veux être juste. Il y a des frères et sœurs qui soutiennent. On ne peut pas ne pas les informer. Et je dis bien, cet argent ne m'appartient pas. J'ai donné l'autonomie aux églises. J'ai commencé les programmes de réveil et en 11 mois, on a récolté cet argent. Comme à l'époque, j'étais pasteur, Dieu m'a dit, mets de l'argent de côté. On a acheté, ceux qui savent, les locaux de Courcouronnes. On a payé cash à l'époque, il y a 11 ans de cela maintenant. Et aujourd'hui, on a pu ouvrir une épicerie où les gens vont faire des courses gratuitement. Je suis passé tout à l'heure là-bas, j'ai vu des gens venir faire des courses avec leur caddie. C'est beau et c'est gratuit. Le maire de Courcouronnes envoie, et l'assistance sociale de la mairie de Courcouronnes envoie les gens qui sont dans les nécessiteux de Courcouronnes pour venir faire des courses à l'épicerie du pain quotidien dans nos locaux de Courcouronnes. L'église, quand elle est établie dans une ville, elle doit témoigner de Jésus-Christ à amener le royaume de Dieu dans la ville. Vous voyez, maintenant, les locaux qu'on a achetés contents il y a quelques années pour... Il y a le studio d'enregistrement pour les musiciens chrétiens qui est installé là-bas. Nos sœurs, notamment actuellement, font leurs albums, donc nos jeunes sœurs, gratuitement, on les encourage comme ça. Et c'est ça le royaume, c'est ça l'œuvre. Le retour à la parole, c'est le retour à tout ça. Et je voudrais le dire, frère, que vous compreniez que je ne suis pas là. Et je le dis à chaque fois comme Paul pouvait le dire. Pour aller m'enrichir avec l'argent du Seigneur, jamais, en aucun cas. Il y a des choses personnelles et je ne veux pas les déballer ici. Tellement que je veux honorer Dieu, David est là, il peut le témoigner. Le compte sur lequel il y a l'argent, là, les 80 000 aujourd'hui, c'est un compte bloqué. On peut même pas, je ne sais pas si on peut retirer là. On ne peut même pas retirer de l'argent. Et en plus de cela, il y a les locaux du 24 qu'il faut payer, plus de 2000 et quelques euros. Il y a les charges de Courcouronnes et avec les offrandes que nous avons par rapport au réunion de réveil, on arrive à peine à gérer, n'est-ce pas, à gérer toutes ces dépenses. Et je refuse, tel que je suis là, un salaire. Je n'ai pas de salaire avec TV de vie, je n'ai pas de salaire avec le pain quotidien, je n'ai pas de salaire avec, on fait l'œuvre par la foi. Au point où, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire ici. C'est pour cela. Je dis ceci, Dieu m'a poussé. Je ne peux plus, au jour d'aujourd'hui, avec les réunions de réveil, envoyer des missionnaires ici et là, c'est fini. Hier, on a envoyé des missionnaires. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, TV de vie, ça suffit. Que les gens suivent TV de vie là où ils sont. De sorte que tout le monde doit travailler. Moi, je suis une voix qui crie dans le désert. C'est tout. Tous les pasteurs en France ne sont pas obligés de mal finir. On peut, avec l'argent que Dieu nous donne, construire des centres d'hébergement pour les gens. Imaginez, avec l'argent que Dieu nous donne, on prend les locaux du 24. Il y a déjà la salle des classes là-bas. Il y a 3 salles de classe. Chaque mois, nous avons 80 étudiants qui viennent recevoir la formation biblique gratuitement. Imaginez si on prend les locaux qui sont à côté. Pour mettre des dortoirs, des étudiants qui viendront de loin, de l'étranger, parce qu'il y en a qui viennent d'autres pays, qui vont être logés là gratuitement. La vision doit se matérialiser. Dieu, ce n'est pas seulement le parler en langue, la prophétie. Dieu, c'est aussi matérialiser la vision. Oui, nous croyons à la vision des églises de maison, mais les Bibles que vous avez entre vos mains, là, on les imprime dans les bâtiments. Les gens ont dû investir dans ces bâtiments pour mettre des machines afin d'imprimer la Bible. Il y a une différence entre les églises et le ministère. Là, nous sommes dans c'est le ministère. Voyez, il faut matérialiser la vision que Dieu nous donne. Maintenant, si moi je me dis, les 80 000 euros qu'il y a sur le compte, je viens de déménager. Vous savez quoi? On dort sur les matelas des enfants. Mon épouse et moi. Pourtant, il y a 80 000 euros sur le compte. Est-ce que j'ai pris l'argent pour dire non, je vais acheter un matelas confortable? Non. Est-ce que je me plains? Non. Mais je fais l'œuvre. Mon fils aîné dort sur un matelas par terre. Est-ce qu'on a pris l'argent pour acheter un sommier? Non. On veut être exemplaire. Je sais que beaucoup sont déçus des églises. Beaucoup ont été dépouillés, blessés, violés, tout ça là. Et Dieu me dit, beaucoup comptent sur ce ministère. Maintenant, frère, je dis ceci. J'obéirai à mon Dieu. J'encouragerai tous les frères et sœurs qui aiment la vérité, même ceux qui tombent dans le péché et qui veulent avancer. Je veux leur tendre la main pour les encourager. Mais je ne veux plus être bloqué par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Chacun doit se lever pour servir Dieu correctement. En 11 mois, on a eu cet argent. Et si les frères et sœurs se mobilisent, frères, mais on peut encore davantage matérialiser l'œuvre du Seigneur. Si un jour Dieu nous enlève, s'il ne revient pas entre-temps, mais les gens du monde entier continueront à venir suivre les enseignements à Didasco. Les gens du monde entier continueront à suivre TV Radio de Vie parce qu'il y a la relève. Doit-on mourir avec l'œuvre du Seigneur? On a eu la veillée du 21 décembre. On a eu 8 000 euros. On a eu moins que ce qu'on avait dépensé. 8 000 euros. David est là. C'est lui qui gère les finances avec le frère Ludo de Bretigny. Ils ont pris cet argent, ils ont mis sur la voiture, le coffre de la voiture de ses parents. Ils ont mis ça sur le compte. Je n'ai même pas eu un euro. Il est là, témoin. On a eu le 24 décembre, le 25, la réunion à Ris-Orangis. Je n'ai même pas eu un euro. Parce que je veux être intègre. Je veux être vrai. Je lutte pour être vrai. Et il faut que les frères et sœurs comprennent. On a eu chez nous, à l'époque, des gens qui pouvaient croire que moi, je devais leur donner, même jusqu'à leur trouver des appartements pour les loger. Disant que ce frère touche 20 000 euros par mois. Il y en a un qui était là, un prophète, qui a dit aux jeunes ici, il touche 20 000 euros par mois. Non, ça c'est une méchanceté. Quand je pense que je dors sur des matelas des enfants, avec toutes ces églises que j'ai implantées dans le monde entier, deux matelas qu'on met ensemble. Non, cette génération, elle est méchante. Combien de pasteurs donnent-ils la formation gratuitement comme ça, les enseignements gratuitement? Vous voulez qu'on donne quoi encore, frères et sœurs? Non. Non. Paul a beaucoup souffert et j'ai compris pourquoi Paul a écrit 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Les livres que nous écrivons, on les donne gratuitement. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent. Dieu m'a dit, obéis à ma parole, je préfère m'y soumettre. C'est pour cela que je dis aux jeunes qui aspirent à l'appel, si vous dites que Dieu vous a appelé à plein temps, il peut le faire, mais ne venez plus me voir pour me demander quoi que ce soit. N'allez pas voir d'autres ministères. Dépendez du Seigneur. Je le dis à tous les ministères. Parce que la pression que vous pouvez mettre sur un ministère peut le pousser à la compromission. Peut le pousser à commencer à prendre l'argent du Seigneur pour faire n'importe quoi. Parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu et à vous. Vous qui participez à cette action, nous vous devons des explications. Les églises par où je suis passé, la formation, parfois, il fallait payer. Toutes ces illuminations que Dieu nous donne, il faut payer. Dîme, offrande du prophète. Et chaque mois, il fallait que les frères et sœurs cotisent pour aller faire des courses pour le pasteur. Nous ne voulons pas de ça. Alors que tous les ministères qui sont ici et là, en province, partout, sachent que nous sommes dans une autre saison. Nous sommes dans un autre temps. Je ne suis plus là pour envoyer l'argent à telle assemblée pour acheter un véhicule pour le missionnaire, pour la mission. On n'a plus, j'ai plus cette vision-là. C'était peut-être hier. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, crie simplement. Maintenant, chacun de ministère doit chercher Dieu pour qu'il lui dise qu'est-ce qu'il attend de lui. Frère, laissez autant d'assemblées sans les appeler pour demander l'argent. Par mois, beaucoup m'ont dit, non mais toi tu vas te faire avoir. Je leur ai dit, ce ne sont pas mes églises. Je ne veux pas me servir de la Bible et de frères et sœurs, les enfants de Dieu pour m'enrichir. Je refuse. Alors vous qui avez la gestion des églises, n'allez dire, ne dites plus non, le frère ne nous appelle plus, on ne le voit plus. Mes frères, mais à votre âge, aussi bien physique que spirituel, 14 ans de formation, 10 ans de formation. Vous avez encore besoin que je sois derrière? Mais si un jour Dieu m'enlève, comment vous allez faire? Non, je ne veux pas être votre idole. Non. Donc le fait que je me cache comme ça, c'est aussi pour me protéger. Parce que je veux être sauvé. Ce n'est pas parce que je ne vous aime plus. Ce n'est pas parce que je vous rejette. Et j'insiste, je n'ai plus d'équipe. J'ai plus d'équipe. Je n'ai pas eu de réunion de travail avec les équipes. Il n'y a plus. Simplement, je donne des conseils aux frères et sœurs ici et là. Et je dis, si Dieu vous envoie des ministères qui veulent être intègres, priez pour eux. Soutenez-les dans la prière. Ne les lapidez pas parce que vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Amen. Je crois par la grâce de Dieu qu'avec tous les enfants de Dieu du monde entier, nous allons y arriver. Je prends l'exemple de ce frère. Ils sont à Nières, ils sont autonomes. Mais pour venir donner un coup de main lors de réunion de réveil, je n'ai pas besoin de l'appeler. Il vient et naturellement, il rend service aux frères et sœurs, comme beaucoup. C'est ça. C'est grandissant, mûrissant. Passons à autre chose. Et je le dis, pas seulement à une personne. Ce n'est pas un message qui est destiné à une ou deux personnes seulement. À tous les enfants de Dieu. Vous n'avez pas dans vos églises connu l'autonomie. Eh bien, c'est biblique. Il faut aussi accepter cet évangile et avancer avec Dieu simplement. Alléluia. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Je ne peux pas tout vous dire. Mes combats personnels avec ma femme, les combats. Vous allez vous dire, mais ce monsieur a sacrifié sa vie. Alors parfois, quand on est comme ça, les gens disent, il a beaucoup d'argent. Ah, il a beaucoup d'argent. Ah, il fait semblant, il a beaucoup d'argent. On lui donne beaucoup d'argent. Oh, si vous saviez. Si vous saviez. Et que les dirigeants des églises également, à votre tour, si Dieu vous dit, donnez l'autonomie aux frères et sœurs, appliquez la Bible, laissez les gens passer à autre chose. Et vous aussi, les chrétiens, acceptez que ces dirigeants passent à autre chose. D'accord? C'est important. Dieu est bon. Qui veut avancer avec le Seigneur? Il y aura une réunion de réveil à Londres. D'abord à Wuppertal ce dimanche. Le dimanche, pas ce dimanche, mais l'autre dimanche. Le dimanche 25. Il y aura une réunion de réveil à Londres le dimanche 1er. Il y aura une réunion de réveil à Nice le dimanche 8. Et le dimanche 16, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. On vous donnera toutes les dates. Que Dieu vous garde. Que le Seigneur soit béni. Nous allons passer aux offrandes pour soutenir la vision. Merci beaucoup, que le Seigneur soit béni. Nous sommes là encore samedi prochain, à la même heure. Vraiment bonne soirée.